Moi je trouvais aussi bien que toi. Je suis venue pour te l'annoncer. Ce message c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il est chez celui. Ce message n'est pas compliqué. Ce message Jésus t'aime. Dans ses bras, non, non, je n'ai pas encore tout. Chaque jour, je lisais le livre de Nombre et c'est vraiment intéressant. Et c'est le frère Junior là-bas. Oui. Je ne l'ai pas reconnu. C'est donc pour moi son heureux enfant. Aujourd'hui, moi, je suis bien changé. Étant jugé, Christ est mort pour moi. À ma place, il a été puni. C'est donc pour moi son heureux enfant. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Jésus-Christ appelle, réponds alors à son appel d'amour. Si tu rejettes sa puissante main, il n'y aura point de pardon. Oh mon ami, Jésus-Christ appelle, réponds alors à son appel d'amour. Si tu rejettes sa puissante main, il n'y aura point. Le message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris le péché sur lui. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris le péché sur lui. Sainteté, bonjour. Bonsoir Canada dans la sainteté. Il est 1h exactement et 28 minutes à Douala au Cameroun. Bonjour à vous. Comment vous allez ce matin? Ça va bien par la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Seigneur. Que la grâce, la paix et la magnificence de notre Père. Ayant toutes choses possibles. Dieu merveilleux. Ton mari va bien? Il va bien, il est sorti, il arrive. Il va nous trouver ici en partage, si Dieu le permet. Comment tu vas? Bonjour, l'écho. Il n'y aura plus d'écho, ne t'inquiète pas ma soeur. L'écho est parti, n'est-ce pas? Je te dis maintenant, oui, c'est parti. Je te dis maintenant bonsoir officiel. Bonsoir, fusionnaire. Comment vous avez passé votre semaine? Bien, par la grâce de Dieu. Le Seigneur était au contrôle. Toujours. Le travail, la famille, comment ça va? Bien. Oui, bien. Oui. Madame Camille a pris son cahier. Ouais. Je suis à votre service ce soir. Pour commencer, oui. Exactement. Pour poser des questions, on attend pour poser des questions, voilà. Sinon. Donc, mais dites-le donc qu'on est allé en assemblée. Elles entrent maintenant en cause. Parce qu'il y avait la sœur Monique qui a essayé aussi de se connecter, mais je ne sais pas si elle a pu rentrer. Elle avait essayé plusieurs fois. Moi, je l'entendais, mais je pense qu'elle ne vous entendait pas. Donc, certainement, elle a des problèmes de connexion. La sœur Monique, oui. Donc, vous permettez donc que je relance encore la connexion. D'accord. Pour essayer, oui. Pour essayer de les avoir, n'est-ce pas? Il faut que quelqu'un soit... Mm-hmm. Soir et bienvenue. Tu ne pensais pas nous laisser comme ça ce soir. On a eu du mal à t'avoir aujourd'hui. Ton micro ne donne pas, on ne t'entend pas là. Mal à ma voix. Là, on t'a maintenant. C'est bon. Je crois que le téléphone sonne chez la sœur, chez Madame Camille. Oui, elle a laissé son micro ouvert et elle allait répondre au coup de fil. La sœur Carrie, comment tu vas aujourd'hui? Pas très bien, mais ça va aller. Raconte-nous pourquoi ça va très intéressant. Donne-nous ton témoignage de ce qui ne va pas bien pour qu'on se réjouisse dans le Seigneur, n'est-ce pas? Non, c'est un petit découragement qui va passer. Parce que c'est cyclique. Oui. Tu vois, et ça me. Donc, tu as un découragement répétitif, quoi. Je ne t'entends pas bien, hein, frère Junior. Donc, tu as un découragement cyclique, répétitif. Oui, cyclique. Et soit je m'habitue, soit je me dis, ok, je vais m'habituer, soit. Mais moi, ça me décourage. Ce découragement me décourage. Mmh. Il faut te décourager, c'est du découragement, d'accord. Ok. Éphésiens chapitre 3, verset 13. La sœur Augustine. Oui, frère. Dans nos échanges la dernière fois, je te parlais d'un enfant. Tu te souviens? J'ai pas bien compris. J'ai pas bien entendu. Il dit la dernière fois, nous échangeons, il te parlait d'un enfant. D'une jeune fille. Frère Junior, j'ai pas tout entendu. J'ai entendu un peu, mais pas tout, la phrase que tu viens de dire. Ma soeur Karine, toi tu m'entends? Vous m'entendez? Non, la soeur oui. La soeur Karine dit qu'elle m'entend. Madame Camille, tu m'entends aussi? Pas bien. Bon, comment on va faire cela? Là, vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, Philippiens chapitre. Je dis quoi? Éphésiens chapitre 3, le verset 13. Éphésiens chapitre 3, le verset 13, c'est seulement pour la sœur Karine. La sœur Karine, ton micro a des problèmes. Soit tu as fermé ton micro, soit ça a un problème. Éphésiens chapitre 3, verset 13. Verset 13, oui. Oui. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure. Pour vous, elles sont votre gloire. Donc, il n'y a pas de sujet de perte de courage, même si c'est ton frère qui souffre, même si c'est quelqu'un que tu aimes qui souffre, encore moins que même si c'est toi-même. Tu ne dois pas perdre courage. Il dit, c'est pour votre gloire. Que Dieu te bénisse. Bonsoir et bienvenue du côté du Canada. Il est exactement 1h38 ici à Douala au Cameroun. 18h probablement et 38 minutes au Canada, dans le froid glacial des pays nordiques. Comment vous allez aujourd'hui alors? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Très génial. Je crois que les autres, les sœurs Suzanne et les autres sont où? On peut commencer là maintenant, n'est-ce pas? Là, vous m'entendez encore, n'est-ce pas? Oui. Voilà, je suis à votre service, je suis livré à votre vindicte maintenant. Ce que vous déciderez maintenant, on en fera. Qu'est-ce que vous faites de moi ce soir? Frère Junior, j'aurais posé une question. Pose la question. Dans l'enseignement de péché originel. Oui. Originel. Oui. Alors, la question que je voulais poser, c'était de savoir comment on peut savoir si notre famille. Oui. Quand je parle de notre famille, je parle de la grande famille, papa, maman, les grands-parents. Comment on peut déterminer si nous sommes des enfants de Dieu? Comment on peut le savoir? Ma soeur, 2 Timothée chapitre 2. Tu peux prendre cela? 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Madame Camille en poste, elle a pris les notes, pris les quoi le son calepin. Donc notre sœur a écouté l'enseignement sur le péché originel, se pose forcément la question. En réalité, c'est la question qui se casse en toile de fond, c'est comment savoir si je suis de la sémence de Dieu là, parce qu'il peut être comme ça en train de parler que je suis de la lignée de Caïn. Oh, c'est grave. Pourquoi je pose la question parce que quand le samedi, quand on avait eu l'entretien, tu avais parlé des œuvres. Oui. Des œuvres, voilà, tu avais parlé des œuvres. Alors, quand j'ai écouté l'enseignement, je dis, mais comment on peut savoir si on est des enfants de Dieu? Est-ce que les œuvres qu'on fait, c'est bon? Ou on n'est pas. Donc, je me suis dit que peut-être il faut revoir tout ça avec la famille, les grands-parents. Est-ce qu'on est tous des enfants de Dieu? Donc, tu as compris qu'il faut aller à la source pour vérifier nos racines. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui. C'est parce que seulement c'est... Vous voyez, tu vois comment la façon que Madame Camille et la sœur Karine sont habillées, là, tu vois la façon qu'elles sont prêtes à répondre aux questions. Tu les vois, tu vois les positions, non? Donc, si tu veux, je passe la main à la sœur Karine. La sœur Karine, essaie de lui répondre à cette question. Frère Junior, mais la sœur, Madame Camille, s'est figée. Oui, je crois que ça... Là, je vois sa caméra bouger. Ah, d'accord. Il faut essayer d'actualiser tout simplement ton écran. Je la vois bouger, c'est son cahier là. Comme si elle cherchait ses questions pour bombarder ce soir. Et oui, vous la voyez sourire là. Donc, la sœur Augustine, essaie d'être fixe avec ton support. Oui, c'est ça. Je vais juste le poser tranquillement parce que comme ça se décharge, alors je l'ai branché en même temps. Je l'ai posé, je pense qu'il ne va plus bouger. Voilà, la sœur Karine, est-ce que tu peux répondre à la question de notre sœur? Je n'ai pas une biblique, mais j'avais les... Ben, quand je dis pas biblique, je veux dire, je n'ai pas de référence à te donner, mais j'avais le même problème, tu vois. Et j'avais compris dans un enseignement que... comment savoir que tu es un enfant de Dieu? C'est quand tu comment on dit ça? Quand tu cherches à quand le Saint-Esprit tu fais des choses et le Saint-Esprit te corrige et que tu as le remords et tu changes. Moi, c'est ça qui m'a confortée et j'ai commencé à me dire que oui, effectivement, il y a une voix quand je fais quelque chose de mauvais qui me dit toujours non, c'est pas bon. Maintenant, quand cette voix me dit non, c'est toi qui n'es pas bon, si je m'ajuste, donc si j'écoute cette voix, moi, c'est comme ça que j'ai su que j'étais un enfant de Dieu. Je sais pas. Là, maintenant, elle allait poser la question pour sa famille parce qu'elle cherche à savoir si son père, son père, sa frère, ses frères, ses soeurs sont aussi dedans. Donc, son problème est déjà résolu. Elle veut se chercher pour ses parents. Donc, elle veut défendre la cause de ses parents. Comment savoir? Regarde, moi, l'autre, c'est que tu as bien vu que Caïn et Abel, c'était des frères. Tu vois. Mais, bien qu'ils aient des liens fraternels, ce n'est pas une raison pour laquelle. Je dis, Dieu a dit dans la parole que. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Donc, le Seigneur, je pense qu'a fait ses choix. Il est possible que dans ta famille, il y ait des enfants qui sont de Dieu, il y ait des enfants qui sont pas de Dieu. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ça. Peut-être que je me trompe. Tu vois. C'est vrai que moi, j'ai toute cette tendance à que, oh, je vais prier, il faut que le membre de ma famille soit sauvé, tout ça, tout ça. C'est Dieu seul qui sait effectivement qui sont ses enfants ou pas. Tu vois. Donc, moi, je suis arrivée à la conclusion que, si le Seigneur me met à cœur de prier pour quelqu'un, je vais prier pour cette personne. Mais je ne peux pas prétendre que je peux amener cette personne au salut. Ça, c'est le Seigneur seul qui connaît qui sont réellement ses enfants. C'est un casse-tête qu'on ne peut pas résoudre. Madame Camille, elle là comme ça, je comprends que c'est comme si elle veut vous bombarder avec les questions maintenant concernant cela. Madame Camille, qu'est-ce que tu veux dire? Ton micro est fermé. Tu as fermé ton micro? Moi, tu dis le salut, c'est quelque chose qui est individuel. Et puis, ce que moi je fais, je prie pour les membres de ma famille. Et puis, je demande à Dieu, Seigneur, quand il recherche, qu'il te trouve. Parce que c'est le Seigneur seul. Parce que le salut, c'est par grâce. Même quand on prend la parole, même quand on a soif pour lire la parole de Dieu, c'est une grâce. C'est pas parce que nous sommes bons, nous sommes pas. C'est une grâce de Dieu. Amen. Et je prie le Seigneur vraiment d'être avec ma famille, mes frères, mes soeurs, et je prie pour eux. Que Dieu te bénisse, Madame Camille. Merci, monsieur. Tu remplaces valablement ton mari ce soir. Le verset 19 de 2 Timothée chapitre 2. Tu lis ça à notre sœur Augustine et tu lui expliques les deux premiers volets. Chapitre 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Exact. Quand tu vas finir de lire, tu expliques à notre sœur Augustine par rapport à sa question. Parce que le but, la question qu'elle a posée, comment savoir si notre membre de famille, notre père ou de là-bas, sont des enfants de la semence du Seigneur. Quand tu me dis là, tu lui réponds. Tu vas défendre ton mari valablement ici maintenant, avec la parole, comme ton mari est versé dans la parole, n'est-ce pas, ma soeur? Dieu. De Timothée chapitre 2, verset 19. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà. Verset 20. Non, c'est bon. Verset 19, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que tu as lu là par rapport à sa question? Parce qu'elle demandait comment savoir si les membres de notre famille sont parmi le groupe. Moi, je me dis que comment connaître, on ne peut pas connaître Frère Junior. C'est une relation personnelle entre Dieu et chacun. Et là, dans ce 2 Timothée 2, 19, que la Bible déclare que Dieu a quelques combien de paroles qui lui servent de sceaux. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles. Oui, avec ses paroles. Ses paroles qu'on va citer maintenant. Deux points. Première parole. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Avec ça, qu'est-ce que tu peux dire à notre sœur Augustine et pour toute personne qui poserait cette même question? Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et par conséquent, quel est le rôle d'Augustine de chercher à savoir ce qui appartient à Dieu? Implicitement, cette verset-là nous dit quoi à la sœur Augustine? De ne pas se casser la tête. Exactement. Que ça appartient à qui? À Dieu. À Dieu. La sœur Augustine. Okay. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que même si tu aimes ta mère, ton père, tes frères, n'importe comment, il n'appartient pas au règne humain de savoir si telle ou telle personne est enfant de Dieu. Dieu connaît ceux qui sont de lui et ceux qui sont pour lui. Fin de citation. Amen. Merci, frère. Et tout à l'heure, le deuxième volet de ta question concernant les œuvres, parce que tu as écouté les enseignements et tu as compris qu'il faudrait qu'on nous juge selon nos œuvres. Allons dans le livre de 1 Jean au chapitre 3 cette fois-ci. Il y a juste un verset maintenant pour chaque question et puis on avance. Je crois que les développements se trouvent dans les enseignements sur YouTube, la chaîne YouTube Bamba Iba. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout qu'on a perdu, de bien faire la joie de ce qu'on a aimé et de vivre sans bonheur. Pas, ça ne doit pas nous lâcher comme ça ce soir. La soeur Karine n'est pas encore connectée. J'ai eu une coupure tout juste. Ça. On va se reconnecter maintenant. La soeur Karine, passant-on, la soeur Karine se connecte là. Elle également, elle a eu quoi que ce bug là, ça s'est passé également chez vous là. On patiente avec elle. Parce que ça s'est figé tout d'un coup. Oui. J'espère que ce n'est pas les habitants de Mars qui sont allés passer à proximité de la Terre maintenant via le Canada. Elle est connectée chez vous, vous la voyez connectée? Non, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Peut-être qu'il faut qu'on relance. Donc, on patiente avec elle, n'est-ce pas? C'est quoi la sœur Augustine? Pourquoi tu te moques de moi alors? Non, parce que j'étais assise là, je voyais comme un insecte qui venait vers moi. Donc, j'ai pris ma chaussure pour lancer sur lui. Excusez-moi. Bonsoir, bienvenue à Sœur Karine. La Sœur Karine, tu vois que même si n'importe quoi, il ne faut pas se décourager, n'est-ce pas? Même si le système de Skype nous crée des problèmes, il faut toujours patienter sans se décourager. Amen. Mm-hmm. Maintenant, tu peux nous lire maintenant, avant que cette petite interruption ne soit faite, j'ai demandé que nous prenions 1 Jean chapitre 3, le verset 12 seulement. Tu peux lire, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 3, verset 12. Mm. Et ne pas saint qui était du malin et qui tu as, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que son frère était juste. Voilà. Je crois que la sœur là doit comprendre ce qu'il en est, n'est-ce pas? La sœur sœur Augustine. Oui, frère Julien. En réalité. Mm-hmm. Le fait qu'on soit enfant de Dieu ou quoi que ce soit, ou par rapport à ce qu'on a, on fait de Dieu, ce n'est pas le fait que nos œuvres le montrent. Parce que si vous regardez sur le rapport des œuvres, Jésus, c'est celui-là mm-hmm. qui il n'était pas rugueux dans ses façons de faire, mais il fouettait les gens quand il fallait fouetter. Alors que de l'autre côté, les mm-hmm. pharisiens étaient là, bien raffinés au d'abord. Ce n'est pas de cette façon-là. C'est que si on suit le Seigneur de la bonne façon, il y a d'abord mm-hmm. la chose du Seigneur en nous, les œuvres de ce Seigneur là, c'est pas le contraire. Donc c'est pas le contraire. C'est on ne doit pas se figer sur les œuvres parce que si vous voulez bien regarder les œuvres et le complot, vous allez voir qu'il y a des gens, par exemple du Moyen-Orient, qui ont l'aspect d'être simple, l'aspect humble. Mais vous ne verrez pas cela en Jean-Baptiste. Et là vous raterez sur cette mise là, vous raterez quoi là, sur la mise en pensant que c'est Jean-Baptiste qui est faux. Si vous prenez cette même comparaison là en mettant devant le prophète Jacob, Israël. Vous allez tout avoir faux. Donc, ce n'est pas les œuvres qui le fait qualifier pour être enfant du Seigneur. Tu vois cela? Donc, maintenant, avec l'enfant du Seigneur, on voit la touche du Seigneur dans les œuvres qu'il fait. Pourtant, il ne faut pas observer les œuvres pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Mais de l'autre côté, lorsqu'ils sont enfants du Seigneur, les œuvres témoignent de ce qu'il est. Que Dieu te bénisse. Alors, des questions? Frère Junior. Oui, ma soeur. Je lisais le chapitre 1 de Matthieu, et puis je voyais la grandeur de l'éternel Dieu. Quand on lit un peu le chapitre 1 et qu'on voit un peu toutes les personnes qui sont citées dans le chapitre 1, les femmes qui sont citées dedans, il y a Tamar, Rahab, Arab, le Ruth, la Moabite, descendante qu'on connaît là avec l'inceste et tout, et puis peuple étranger, il y a la mère de Salomon. Et puis Stéphanie aussi, tu n'as pas vu ça Stéphanie là-bas, la mère de Romain. Pardon? Quand tu disais ça, tu n'as pas vu Stéphanie quelque part là-bas? Mais non. Et puis, qu'est-ce qui me marquait dans ça? Je voyais le Seigneur, comment le Seigneur, le pardon, selon Dieu. Parce que quand on citait ces femmes, la première chose qu'on voyait, c'était un peu les fautes de David, l'adultère. Et puis, en même temps aussi, quand on lit un peu la parole de Dieu, on dit toujours, comment elle s'appelait même, la mère de Salomon, Bathsheba. La femme de Uri. On dit toujours la femme de Uri. On ne dit jamais la femme de David. Oui. Tu vois un peu. Et puis, je voyais comment. Et puis, en même temps aussi, dans les descendants, on a cité le roi Manassé. Oui. Manassé qui était tellement méchant. Oui. Et puis, quand je regardais ça, je disais, mais parfois, là, on va faire des choses. Et puis, être tellement mal, même s'approcher. Parfois, je suis tellement mal que j'ai du mal à prendre la parole de Dieu. Parfois, je ne veux même pas prier. Mais Dieu est tellement bon et il pardonne. Il suffit juste d'aller. Parce que quand je regarde un peu toutes les femmes et que le Seigneur a pardonné, le Seigneur n'a pas regardé. Et puis, je vois juste comment est-ce que le Seigneur est lent. Mais il pardonne tellement. Donc, il est lent dans sa colère. Mais c'est un peu qui m'a marqué. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, les femmes de mauvaise, bon, pas que de mauvaise, la réputation, mais elles sont toutes citées dans la génération, dans la généalogie de Jésus. Exactement. Ça veut dire que ce sont des arrière-grand-mères de Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus est passé par des lignées de prostituées, de bandits, des grandes personnes de mauvais renom, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que dans le livre de Somme 103, la Bible déclare que autant l'Occident est orienté, est éloigné de l'Orient, autant il éloigne nos iniquités de nous. Ouais. Donc ça veut dire que si tu, quand tu regardes l'Occident et l'Orient, l'Orient, comme ça ne peut pas se rapprocher là, Dieu ne rapproche pas notre iniquité. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, il les éloigne seulement. Et puis finalement, il le met dans la main de l'oubli qui se trouve sous ses pieds, comme Michée chapitre 7, verset 19 le dit. Donc, notre Dieu est effectivement miséricordieux. Et donc, il y a donc un autre enseignement qui sera publié parlant de l'esprit de condamnation, d'accusation. L'esprit d'accusation dont le frère Eva n'a pas encore publié. Quoi, quand il va publier, vous allez entendre de ces choses. Et Dieu pêche, ça ne fait pas de lui qu'il soit de Dieu. C'est ça le vrai problème. Même un enfant de Dieu qui a péché a vaincu Satan. C'est ce que la Bible révèle. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas vaincu à cause de leur propre force, ni à cause de leur propre justice, mais à cause du sang de l'agneau. Ah ça, ma soeur, c'est ça qui est merveilleux. Parce que Christ a racheté ses enfants, c'est une fois et c'est définitif. Mais il y a donc un esprit d'accusation contre les frères que Satan utilise dans notre propre conscience. Et Dieu aussi utilise Satan derrière cela pour nous pousser à la repentance. Donc l'enseignement sera à votre disposition quand Dieu décidera. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Amen. Il y a un enseignement que j'ai écouté où tu disais que lors de l'enlèvement, en fait, au moment du jugement, que les enfants de Dieu ne seront pas jugés. Oui. Ou j'ai mal écouté. C'est bon, j'ai bien écouté. Tu as très bien écouté. Ils seront jugés à partir de quoi alors? Quel sera le mobile? Wow. Essaye de m'expliquer pourquoi on va les juger. Essaye d'expliquer un peu seulement. Essaye de donner le motif d'accusation. Un seul motif, voir. Si tu peux trouver un. Non, s'ils ont demandé pardon, en fait, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. Le Seigneur a pardonné. Eh bien, là, c'est quand il ne passe pas en jugement, n'est-ce pas? En fait, ce n'est même pas à cause de leur pardon qu'ils ont demandé une fois de plus. C'est parce qu'ils étaient prédestinés. Non, c'est même pas en cause de cela. C'est quoi alors? Parce qu'il n'y a plus d'acte d'accusation contre eux. Pourquoi il n'y a plus d'acte d'accusation? À cause du sang que le Seigneur a versé à la croix. Et ce sang-là parle que celui d'Abel. Et par conséquent, tous les actes sont effacés. Non coupable. Non coupable. Non coupable. Il y a de quoi les enfants de Dieu doivent danser, il te le dit. Mais pourquoi? C'est ça, mais c'est vrai que cet esprit, ce type d'accusation-là, ça fait que les enfants de Dieu sont toujours. Les réalités n'ont encore accompli. Cet enseignement-là résout le problème. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que le Saint-Esprit amène les enfants du Seigneur à un niveau de connaissance des Saintes Écritures pour qu'ils marchent dans la sainteté au standard de Dieu. Quand ils marchent au niveau standard de Dieu, ils comprennent effectivement d'où ils sont sortis et ils continuent où ils comprennent où ils sont en train d'aller, où le Seigneur les conduit. C'est ça le vrai problème. Sinon, vous allez voir effectivement les enfants du Seigneur qui passent leur temps à pleucher dans la maison. Donc vous allez prendre une femme par exemple qui a avorté. Elle reste chaque fois comme ça là. Le problème d'avortement là vient dans son esprit. Satan l'accuse dans son esprit. Tu penses vraiment que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu avorte. Tu sais que tu as tué un enfant. Tu sais que tu as vraiment tué. Et puis, comme tout à l'heure, il était en train de prier avant de vous rencontrer, il regardait. Bon, c'est même pas le moment. Et puis, tu vois, elle est toujours dans ce cas. C'est elle qui se trouve dans le cas de l'avortement. Chaque fois, elle revient sur ses péchés. Mais maintenant, si vous la transportez devant le Seigneur, vous allez dire, Seigneur, Seigneur, j'ai péché. Lequel le péché? Parce que ce péché a été payé. Ce péché a été réglé. Le premier péché a été réglé. C'est vrai que si tu pleurniches tes péchés, tu en as dit clairement que le sang de Christ Jésus n'a pas été suffisant pour expier tes péchés. Une fois pour toutes, définitivement, cela a été fait. Mais cet esprit de condamnation et d'accusation là est constamment dans notre conscience pour nous condamner. Parce qu'en réalité, nous commençons à vouloir essayer de voir si nos péchés sont pardonnés avec le standard humain. Quand Dieu dit par exemple que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne notre péché de nous. Il faut qu'on se pose vraiment des questions. Il le fait pourquoi? 1 Jean chapitre 2, c'est même bien comme vous êtes dans 1 Jean chapitre 3. Ouvrez le chapitre 2, verset 12. Lisez-moi le verset 12, voilà. Du chapitre 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Que les péchés ne sont pas pardonnés parce que tu pleures. Que non. Vos péchés ne sont pas pardonnés parce que vous avez trop prié. Que non. Vos péchés ne sont non plus pardonnés parce que vous avez demandé pardon. Que non. C'est pardonné tout simplement à cause de son nom. Il dit, pour l'amour de moi, je pardonnerai Israël. Pour l'amour de lui. Pas à cause d'Israël, la justice d'Israël. C'est ça que Dieu fait. Mais lorsque les enfants de Dieu arrivent à ce niveau-ci, c'est si ça ne veut pas... Ça ne poussera pas quelqu'un au péché, ça poussera quelqu'un chaque fois à comprendre le Dieu de miséricorde et à s'éloigner de ces choses-là. Donc ici, il dit, je vous écris ces choses, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés, pas parce que vous avez trop prié, pas parce que vous avez jeûné, mais à cause de son nom. C'est donc pour cela que personne ne sera justifié avec lui à part les œuvres qu'il aura faites, jamais. C'est à cause de son nom, à cause de sa propre de la justice. Et c'est pour ça que dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, il a dit que par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. C'est par le travail de son âme, l'âme du Seigneur Jésus. Mais Stéphanie, tu m'entends parce que tu as du mal là, tu tords le visage comme si soit la parole ne se trouve pas dans la Bible, soit tu ne m'entends pas bien. Donc, je crois qu'il faut mettre les écouteurs, notre soeur Stéphanie. Oui, dans ce cas, je me pose une question. Oui. Pourquoi il faut le but de confesser un péché? Bonne question. Pour un enfant de Dieu. Ça sert à quoi? C'est juste pour exposer les ténèbres? Non, ce n'est pas seulement cela. Je vais prendre cela dans une autre volet. Permettons que la sœur Stéphanie puisse rentrer. La sœur Stéphanie, voilà, il serait bien donc que tu mettes effectivement le casque. Vous voyez comment la sœur Augustine est là. J'étais en train de suivre le Canada tout à l'heure dans la prière et je voyais justement des avortements, beaucoup d'avortements au Canada. Mais j'ai écouté l'enseignement que tu as mis le matin. Oui, j'ai mis l'enseignement le matin où, ma soeur? Ah, dans... C'est lui que tu as mis... Oui, je l'ai écouté. Alors même, j'ai une question par rapport à ça. Oui, on l'avait dans les péchés sexuels à milieu chrétien, c'est ça? Oui. Oui, Donc, tu vas parler de ça maintenant. La sœur Stéphanie, tu nous entends maintenant? Je crois que ton micro est fermé. C'est bon. Voilà, non, ferme le micro. Chaque fois quand tu vas parler, elle est le réflexe d'allumer le micro, d'accord? Parce que souvent le téléphone sonne trop chez toi. Ton mari va demander si tu vas bien. Donc, ferme le micro. Comme ça, quand tu vas répondre au téléphone, ça ne va pas déranger. Voilà. Donc, la sœur Karine demandait, ok, maintenant, si le pécheur est pardonné pas à cause du fait qu'on demande pardon, dans ce cas, quel est le rôle qui nous incombe de demander pardon? J'ai dit, avant d'expliquer ceci, enfin, je vais expliquer ça avec un autre volet. Si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 7, le Matthieu, chapitre 7, le verset 7, puis Philippiens, chapitre 4, verset 6 et 7, et aussi tous les autres passages référents concernant la prière, et particulièrement le livre de Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Donc, voilà trois passages que j'ai donnés. J'ai donné Matthieu, chapitre 7, verset 7, Philippiens, chapitre 4, verset 6 et 7, et puis Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Dans ces trois passages, le premier que j'ai donné, Matthieu, chapitre 7, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Puis il dit, « On demande, on donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui toque, et celui qui cherche trouve. » Vous voyez, dans Philippiens chapitre 4, donc maintenant, il dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Regardez bien la phrase, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, veillez-y avec l'action de grâce. Et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance gardera votre pensée à Christ. Maintenant, dans le livre de Luc au chapitre 18, la Bible déclare qu'il leur donna encore cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il donne l'histoire de la veuve, de la pauvre veuve là-bas, qui venait demander la justice de sa partie adverse au roi unique qui ne craignait pas Dieu. Et puis conclut, il dit, écoutez donc ce que dit ce juge unique. Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il dit, à ses élus qui crient à lui jour et nuit. La question qu'on se pose dans ce cas ici, quand la Bible déclare que la parole n'est même pas encore sur mes lèvres, que Dieu la connaît entièrement. Plus grave encore, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 34, Jésus dit que ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Ne demandez pas ces choses-là. Alors, donc, Dieu connaît ta demande avant que tu ne demandes. La question, c'est pourquoi il dit demandez, on vous donnera. Vous voyez un peu la chose, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose avec la prière. Parce qu'il a déjà dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 9 et 13 particulièrement, il dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle donc l'appel à la repentance. Dieu appelle les gens à repentir, à retourner à lui. Par un acte, il dit, Israël, viens à moi, reviens à Dieu, par tes paroles. Dis, je reconnais seulement ton tort. Dis seulement que je viens avec tes paroles en disant, Seigneur, aie miséricorde de nous. Nous avons reconnu seulement que tu as amené ton pied ça et là. Que tu as marché, tu t'es prosterné devant les balles, devant les statues, ainsi de suite. Dieu dit que fais seulement cela. Dans le livre d'Éphésiens, je ne sais pas si il veut vite. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, les versets 17 à 20, où ouais, effectivement, comment il dit, venez et plaidons, dit le Seigneur. Il dit, venez et plaidons. Donc, la personne qui a dit qu'il connaît exactement tes péchés, connaît toutes ces choses avant que tu ne naisses même, dit que tu viennes, comme de la même façon qu'elle a fait pour la prière. Il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Vous voyez, il dit que si vous êtes docile et vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, Dieu attend qu'il y ait la part de l'homme de se retourner. C'est ce qu'on parle de repentance. Repentance, c'est un changement de direction. Un changement, ce qu'on appelle en grec métanoïa. Oui, ma soeur Stéphie. Micro, ton micro est fermé. C'est parce que tout à l'heure. Excusez. Donc, je vais dire un peu chapitre 2. Oui. Verset. Non. Ok, oui, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses. Afin que vous ne... Oui. Non, je m'en défends. Oui, n'inquiète pas, on va enlever cela. Donc, je vous écris ces choses, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Oui, question. Oui, c'est ça un peu que... Tu te rappelles un peu d'un nombre. Oui. D'un nombre un peu... Quand on lit nombre, il y a tellement de choses qu'on faisait à ce moment-là. Il y avait des sacrifices d'expiation et tout que le peuple d'Israël faisait quand ils étaient dans le désert. Oui. Allô? il y avait les sacrifices que eux, ils faisaient quand ils étaient dans le désert. Et puis aujourd'hui, je pense qu'avec la venue de Christ, avec le Nouveau Testament, Jésus est venu et puis c'est lui, il s'est donné comme sacrifice. Donc il n'y a plus de sacrifice à faire. C'est bien ça? C'est exactement ce qui est dit dans ce verset. Parce que la Bible déclare qu'il est, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Donc ça veut dire que, comment ce qu'on fait à l'anglais, atonement. Donc ça, la rédemption est faite à cause de son sang. C'est lui-même qui est c'est lui qui est le sacrifice. Oui, parce que dans l'Ancien Testament, dans le désert, oui, quand le peuple d'Israël commettait un péché, oui, ils ont cela. Oui. Et puis aujourd'hui, notre Seigneur est venu et il s'est donné lui-même pour le péché. Quand moi je fais le péché, quand si j'étais dans l'Ancien Testament, oui, chaque fois que je faisais un péché, j'offrais ce sacrifice-là. Exactement. Et le vrai problème avec l'Ancien Testament, c'est que si tu fais ce péché-là une fois, l'année prochaine, quand tu pars, même le péché de l'année passée n'est pas pardonné non plus. C'est ça que l'Ancien Testament présentait. Ça montrait seulement qu'on devait être gardé jusqu'à ce que l'agneau de la rédemption puisse venir être présenté. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, la Bible déclare que ces sacrifices-là étaient impossibles d'ôter le péché. Donc, ça dit qu'en réalité, ça couvrait le péché sans les ôter. Or, il faut que ça soit expié devant le Seigneur. Sauf le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme il a dit, il est venu pour faire la volonté du Père. Et c'est ça qui expie effectivement le péché, son sang parfait. Hébreux, chapitre 10, allons-y. Hébreux, le chapitre 10. Les 10 premiers versets de Hébreux, chapitre 10, lisons. Donc, la sœur Karine est aussi à son tour, est sortie. Le temps que vous trouvez Hébreux, on patiente qu'elle vient, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas attendre. On attend la sœur, n'est-ce pas? Donc, on attend un peu. Écoutez ça. Sœur Karina a dit qu'elle est dans le village, elle est partie changer l'enfant, donc elle va prendre soin de l'enfant. On peut continuer. Dans ce chapitre 10, vous allez remarquer que l'apôtre commence à expliquer ici à partir du verset 1 qu'en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Or, pourquoi et pourtant Dieu lui est parfait. Il faut que ceux qui sont tout autour de lui aient cette même nature-là. L'apôtre explique ici que cette loi de l'Ancien Testament dont tu as cité ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé, le verset 2 dit, autrement, n'aurait-on pas cessé donc de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Parce qu'en réalité, si la conscience du péché est ôtée, en cet instant-là, tu sais effectivement que tu n'as pas péché. C'est ce que le sang de Jésus fait. La Bible déclare au verset suivant, le verset 3, que mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Ça veut dire qu'en venant avec un sacrifice, tu te souviens que l'année dernière, tu étais là, dans cette même période-là, pour offrir le sacrifice. Et par conséquent, ton péché t'était souvenu. Maintenant, le verset 4 dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte, voilà le mot, ôte les péchés. Mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici l'agneau. Qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui ôte les péchés. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, les autres choses là, ça n'enlève pas le péché. Non, ça ne pouvait pas enlever le péché. Là, ça couvrait. Ça couvrait le péché. Alors que le sang du Seigneur, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, enlève le péché. La Bible déclare donc au verset suivant, le verset 5, que c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Vous voyez, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc le Seigneur Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Et quelle est cette volonté? L'expression de cette volonté, de la volonté du Seigneur, c'est d'enlever effectivement et de ôter le péché du monde. Vous me suivez, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, la Bible déclare au verset 8 qu'après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni et tu n'as agréé ni offrande, ni sacrifice, ni offrande. Qui est venu là? La sœur Monique, bonne arrivée. Merci. On ne te voit pas, mais tu nous vois. C'est mon téléphone, là, il a en mode. Relativement au péché que nous commettons et ce que le Seigneur a fait pour nous. Bonsoir la sœur Monique, je ne sais pas si tes sœurs te connaissent ici, tu vois, tu nous vois planter là, la sœur, il y a la téléphone là, et puis on a madame Camille de l'autre côté, puis notre sœur Augustine. Donc vous allez voir la sœur, voilà votre sœur Monique maintenant, elle sort comme ça, je crois de la douche, elle est sortie, vous avez entendu comment on parlait, elle a dit qu'elle ne peut pas arrêter ça aujourd'hui. Ouais. Voilà. Maintenant, le verset 14, rapidement, là, du Hébreu, chapitre 10, dit, car par une seule offrande, vérifiez dans votre Bible, là, maintenant, le verset 14 de Hébreu, chapitre 10, nous dit, car par une seule offrande, il, disant du Seigneur Jésus, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Remarquez bien le verset 1 et le verset 14. Dans le verset 1, la Bible déclare que la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la chose, vous voyez, par les sacrifices qu'on fait, ne pouvait pas amener les assistants à la perfection. Ici, on explique que Jésus, par l'offrande de son corps, a amené à la perfection. Donc, le but pour Dieu, c'est quand on lit cela, parce qu'il a dit que je viens, c'est pourquoi tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, c'est pourquoi je dis je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et il dit que dans le rouleau du livre, il est question de lui. Et ici, le Seigneur nous dit au verset 14 que par une seule offrande, car par une seule offrande, c'est-à-dire l'offrande de son corps, le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, a amené, pas va amener, a amené à la perfection. Et la Bible déclare pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Courage, ma soeur Stéphie, courage vraiment. D'accord? Que Dieu te bénisse. Donc la soeur Karine, nous avons une nouvelle visitrice. C'est pas visiteuse ou visite quoi? La sœur Monique, ne vous inquiétez pas de Monique, ne la regardez pas comme ça, d'accord? Ne la regardez pas, d'accord? Laissez-la tranquille. Elle a sa carrière. Donc, ouais, dites-lui qu'elle soit fixe seulement, qu'elle soit posée quelque part, que sa caméra, que son téléphone soit déposé. Elle prend juste son téléphone, son carnet et son stylo à billes. La sœur Monique, tu es dans quel côté du Canada? Saint-Laurent. Il est certainement 19h20 chez toi, n'est-ce pas? Ou bien? 20h20 là-bas à Saint-Laurent. As-tu des questions? Non, pas vraiment. Tu veux qu'on prie pour toi? Oui. Ah, tout le monde aime la prière. Ça, c'est la qualité là qu'on a. Mais vous vous souvenez qu'il était. Oui, la sœur Stéphanie, tu as suivi la prière? Ou bien? Non, c'est pas la prière. C'est l'action par rapport à la parole, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est que parfois, là, bon, parfois Camille et moi, on discute un peu, il me dit qu'on a déjà demandé et puis on n'a plus besoin de demander. Mmh. Et puis la parole de Dieu, par l'exemple de la femme que tu as citée tout à l'heure, elle est partie voir le juge, elle est partie chaque fois voir le juge jusqu'à ce que le juge réponde à sa demande. Exact. Et puis, nous, on sait qu'avant même d'ouvrir la bouche, le Seigneur sait ce qu'on veut. Oui. Alors, demander. Mais. Il demande de demander. Il demande de demander. Et puis, moi, parfois, là, je dis à Camille que, mais il faut prier pour notre sujet. Et puis, il me dit que je ne prie plus pour ça. Le Seigneur a déjà donné. Et n'ai plus besoin. Et puis, moi, je dis, moi, je vais prier pour ça. Je prends le temps de jeûner. Et parce que Isaac, par exemple, Isaac, il a prié pour comment elle s'appelle, pour Rebecca. Et il a prié jusqu'à ce que le Seigneur exauce sa prière, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, chapitre 18 de Luc, verset 1, tu lis seulement le verset 1 et puis je continue à développer. Canada dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, nous, n'oublions pas que notre sœur Augustine, de l'autre côté, a écouté le péché sexuel en milieu chrétien et elle a dit qu'elle a, elle a des questions. Quand vous suivez cet enseignement, vous comprenez que beaucoup de personnes avec les vies sexuelles passées et même présentes ont besoin de délivrance, n'est-ce pas? C'est la première réflexe qui va venir. Ma sœur Stéphie, Luc chapitre 18, lis le verset 1 seulement, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça devait régler le problème, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, écoutez bien quand est-ce qu'on abandonne la prière par rapport à un sujet. Je veux toute votre attention maintenant. La sœur Karine, de l'autre côté, ou c'est Ottawa, ou c'est de Québec. Toute votre attention. Voici à quel moment arrêter la prière. Je crois qu'il y a un enseignement là-bas en deux parties, la prière fervente du juste. Partie 1 et partie 2. Cette prière, en écoutant là-bas, la prière fervente du juste. Partie 1 et partie 2. En écoutant, je crois que ça va régler le compte. Mais maintenant, je donne un extrait tout simplement de cette phrase-ci pour que vous saisissiez cela. Lorsqu'on prie par rapport à un sujet, qu'on abandonne la prière ou on continue à prier, ça dépend maintenant de ce que le Saint-Esprit aura mis dans ton cœur par rapport à l'écoute de ce que le Seigneur a fait. Regardez par exemple, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 12. L'apôtre Paul explique son expérience à l'issue du fait qu'il était amené dans le ciel. Et puis, il a entendu des paroles qui n'étaient pas permises aux oreilles humaines d'exprimer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et pour qu'il ne soit pas enflé, il a été mis un ange du Seigneur, messager du Seigneur, de Satan dans sa chair, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et pour, afin de le souffloter. La Bible déclare effectivement dans ces 2 Corinthiens, il dit, écoutez, il a prié le Seigneur combien de fois? Plusieurs fois. 3 fois. Combien? 3 fois. 3 fois. Il dit 3 fois, il a prié le Seigneur. Ça suppose qu'il est venu devant le Seigneur avec le même sujet. Et remarque bien, il dit c'est 3 fois qu'il a prié le Seigneur. Le Seigneur lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Te suffit. Parce que sa puissance se révèle dans la faiblesse. Maintenant, l'apôtre Paul n'a pas prié une fois pour que Dieu réponde. Pourtant, il était en communion avec le Seigneur. Mais c'est 3 fois que le Seigneur a répondu, ma grâce te suffit. Donc, on voit effectivement que lorsqu'on prie par rapport à un sujet de prière, or, ce sujet de prière de l'apôtre Paul, il était question pour lui d'obtenir de Dieu la faveur que cet ange-là soit éloigné de lui. Parce qu'il dit, le sujet de prière était, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Le Seigneur lui a dit, cette troisième fois, ma grâce te suffit. Donc, il veut dire, laisse là, c'est pour un but bien précis. Donc, il a eu la réponse à sa requête. Maintenant, ça veut dire que même si l'ange était là pour le souffleter, il savait quelle était la volonté de Dieu derrière cet ange qui était là pour le souffleter. Parce qu'il a prié avec insistance jusqu'à obtenir la réponse. Donc, c'est lorsque le cœur obtient la réponse devant le Seigneur qu'on est calme. Si vous prenez également le cas de Anne, dans l'une des femmes de notre bien-aimé, Elkana, vous allez regarder que chaque année, elle montait à Silo pour communier avec le Seigneur, n'est-ce pas? Quand elle montait à Silo, les mêmes requêtes étaient présentées. Mais tellement la mortification de son âme était poussée par sa co-épouse, au point où elle n'en supportait plus, elle allait rester devant le Seigneur. Cette autre façon de monter à Silo là, cette année-là, elle a parlé. Les gens, la prière était terminée, tout le monde est parti, mais elle est restée là-bas. Elle est restée là-bas pour prier parce qu'il fallait qu'elle prie jusqu'à ce qu'elle sache exactement quelle est l'issue de la chose. La Bible déclare qu'elle a prié. Lorsqu'elle est rentrée, son âme, son visage et tout son corps n'était plus le même, n'est-ce pas? Parce qu'à cet instant-là, elle a déversé et déchargé son âme devant le Seigneur. Donc, lorsque la prière, on continue, c'est pour ça qu'on parle des supplications. Lorsqu'on quitte l'état de la prière, on passe à la haute supplication jusqu'à ce que c'est déposé avec action de grâce devant le Seigneur. À cet instant-là, vous pouvez abandonner la prière en commençant à donner les actions de grâce. Les actions de grâce, parce que vous savez de quoi il est question, que c'est entré jusqu'au bout. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc, ne prie pas juste, oh Seigneur, donne-moi un stylo là, un feutre là-bas. Oh non, je sais que tu m'as écouté. Amen, c'est pas ça. Parce que la Bible déclare qu'il a donné un enseignement de la prière pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, on donne un sujet de prière, on ne relâche pas jusqu'à ce tant qu'on n'a pas vu l'issue de la chose. Amen. Oui. Tant que le fardeau est toujours là. Oui. Ça veut dire que la requête n'est pas allée jusqu'au bout. Ça veut dire que la requête n'est pas allée jusqu'au bout. Oui. Exact. La sœur Monique. Oui. Any question? Oui. si tu n'as pas de questions, si tu n'as pas de questions, tu as des réponses. Parce que cette, la sœur Augustine est prête à poser une question là maintenant. Tu es prête à répondre? Je vais essayer. La sœur Augustine pose ta question à la sœur Monique. Oui. Ah, ça, j'ai des enseignements des gens sur le péché en milieu familial. Péché sexuel. Ma question, c'est. Oui. Celui que tu avais posté ce matin sur le calendrier de la sainteté. Oui. Donc, ma question. C'est à dessein que j'ai posté ces enseignements-là sur le site. D'accord, sur le forum. C'est à dessein. Bon. Donc, ce. Là, ta question, on quitte les ténèbres et qu'on passe à la lumière avec Christ, il faut qu'on soit délivré de ces péchés-là. Comment faire la délivrance pour passer des ténèbres à la lumière bien, ou bien il faut qu'on enlève ces esprits-là sur nous? Comment ça va se passer? Ah, c'est Monique, tu as bien suivi la question. Un petit peu. Rappelez-moi. J'ai pas un bon retour, mais j'ai pu entendre un petit peu. Bon, maintenant de mon avis, hein, je peux me tromper. Je prends ce que. Enfin, comme vous avez répondu tout à l'heure à la dame. Laquelle dame? De mon avis, mais. Comme je n'ai pas encore les noms, là, bien en noir là. Non, je crois que avec le rouge. Ce sera dans le moment dont nous parlons. Oui, on va faire une apostrophe. Oui, oui, donc on va prendre une parenthèse pour que vous vous connaissiez. Donc, allons-y alors maintenant. Demande-lui son nom alors. Allons-y directement, en direct. Dis la, oh, la dame en noir là. Comment tu t'appelles? Dis-lui comme ça. Non, mais elles sont deux en noir là. Eh bien voilà, tu as dit celle qui me salue là. Donc dis la dame en noir qui me salue là. Stéphanie, c'est ça. Stéphanie. Stéphanie, okay. Elle peut-être la Sainte-Marie. Donc, demande-lui, elle est où? Bon, à la sœur Stéphanie. Comme vous avez répondu tout à l'heure à la sœur Stéphanie. Attends. Moi, je crois... la deuxième qui est en noir, comment elle s'appelle? Tantine, comment tu t'appelles? Karine. Je suis à Gatineau, Ottawa. Ah, ok. Karine. Enchantée, Karine. Bon, et puis, après Stéphanie et Karine, c'est. La dame pour qui tu réponds à cette question-là, ouais. La dame, là. La dame qui est à l'eau, la dame qui est à noix qui les salue, là. Et tu parles. Alors maintenant, donc, Monique, il y a qui sont ceux qui sont devant toi là maintenant? Il y a qui est qui encore? Augustine, Stéphanie et Karine. Voilà, donc tu les remarques désormais. Tu n'as pas les confondre, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas. Donc tu n'as pas dit que la dame qui est assise sur la chaise en cuir marron là. La dame porte l'enfant. Si un quatrième s'ajoute, je serai forcé de dire la dame qui est. Non, si un quatrième s'ajoute, tu dis que qui est cette autre dame qui vient de s'ajouter, d'accord? Alors, maintenant, allons-y. Oui, réponds, allô, ma chère. Je dis que je pense que pour sortir de ces péchés-là, il faut prier sans cesse. Il ne faut pas relâcher dans la prière parce qu'on a ce problème-là. Chaque fois qu'on commence à prier à un certain moment, on a l'impression qu'on n'est pas entendu. On relâche. On est tombé et puis après on tombe dans le péché. C'est normal ce qu'on fait. On tombe dans le péché, c'est un trou, ma soeur. Bon, je pose une question, n'est-ce pas, concernant le sujet dont c'est les questions ici. Parce que là, elle parle de. Je ne sais pas si tu as vu le lien. Le titre de l'enseignement, c'est le péché sexuel en milieu chrétien. J'ai posté ça sur le forum aujourd'hui. Alors, la question dont c'est les questions ici, c'est le péché sexuel. Elle dit pour aller dans le royaume de la lumière, j'ai dit qu'il faut la délivrance. Pour ce passage-là, il demande comment ça va s'effectuer. Là, je te pose une question. Tu parles de la prière interminable par rapport à ces péchés sexuels-là. Par exemple, je prends toi, ton cas. Tu as un petit ami avec qui tu sors. Vous vous couchez chaque fois sur le lit. Quand tu te couches sur le lit, donc tu te couches à côté de lui, tu pries que Seigneur, sors-moi de ces péchés, sors-moi de ces péchés, c'est ça? Un petit ami. Tu es à côté de lui, tu pries que Seigneur, sors-moi d'ici. Qu'est-ce que la Bible demande de faire? Bon, la vérité, c'est que moi, je n'ai pas encore écouté le lien. Parce que là, je me prends à l'aveuglette. Voilà, non, non, ça, c'est bon. Donc, je crois que le lien est sur le site, sur le forum Canada dans la CTT. Quand tu auras du temps, après nous, là, il faut commencer à écouter, d'accord? Ok. Avant que je réponde à la question de notre soeur maintenant, et dedans, écoutez. Ma soeur Augustine, qu'est-ce qui t'a marqué dans cet enseignement, le péché sexuel en milieu chrétien posté sur Bamba Iba? Tout ce que tu as dit m'a marqué. Tout. Et quand je l'ai écouté, ça m'a tellement marqué que bon, attends, ça m'a fait rappeler beaucoup de choses. Attends, ma soeur, j'arrive. Bonsoir à la soeur qui vient d'arriver. Monique, celle qui vient d'arriver, tu ne peux pas l'appeler la dame là, n'est-ce pas? Celle-là, au moins tu la connais, n'est-ce pas? Ça, c'est ma soeur. Ça, c'est ta... La petite soeur. La petite soeur. Suzanne Kana, bonjour et bienvenue. Merci, mes frères. Bonjour. Bonsoir à Suzanne. Bonjour. Bonsoir, Suzanne. Donc, ça, c'est la sœur Monique, c'est la sœur de sœur Suzanne. La sœur Suzanne veut que toute sa famille soit sauvée une fois de plus, quoi. Au Cameroun, ici, c'est les persécutions avec le téléphone, avec ma femme, chaque jour, son petit frère qui appelle et au-delà. Mais Dieu fait grâce. Vous voyez, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. D'accord, la sœur Suzanne? Amen, amen. Si Dieu a décidé de visiter ta famille, j'en ai vu des familles que Dieu a sauvées, et le père, et la mère, et les enfants, échelon par échelon. Et pas les sauver de la conviction, de la conversion. Donc, je prie qu'il en fait pour toi, si tel est son destin dans ta famille. Amen, amen. Bon, là, on voit seulement ta photo maintenant, donc c'est pour ça qu'on peut te remarquer rapidement. Donc, bienvenue, bien le bonsoir, du côté du Canada aussi. Oui, merci. Donc, alors, on retourne du côté de la sœur Augustine. Tu disais que tout ce qu'on a dit là-dedans te concernait, ça t'a marqué. Dis-nous, vous voyez comment la sœur... Ça m'a marqué parce que en écoutant l'enseignement... C'est comme il y avait... J'avais oublié, mais en écoutant le témoignage, c'est comme si ta mémoire vient se rafraîchir. Voilà, c'est justement ça. Alors je dis, si la mémoire vient rafraîchir, ça veut dire que le Saint-Esprit vient te révéler certaines choses qui sont enfouies, que tu penses que... Tu as oublié, mais ces choses-là que tu penses oublier agissent dans ta vie présente. Oui. Donc, ça prend une délivrance. Ou est-ce que c'est avec la prière qu'on on s'en sort de ce genre de péché? Voilà. Lorsqu'il y a un lien et qu'il y a un esprit, la délivrance, cette délivrance est faite dans cette chose-là. Parce que les choses qui sont répétitives et tenues captives dans nos vies sont tenues captives par les forces du mal. Et là, il faut forcément la délivrance. Maintenant, la question que tu posais, c'est comment doit s'effectuer la délivrance? Là, ce n'est pas de ton pouvoir. Regarde, par exemple, si vous lisez l'apôtre Acte des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1 des Actes des Apôtres, si vous lisez chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible déclare que Hérode avait fait mettre en mort l'apôtre Jacques, et voyant que cela plaisait aux Juifs, a mis la main sur l'apôtre Pierre et l'a mis comme ça en prison. Et il espérait que quand la fête des pains sans levain se passerait, il va les livrer maintenant pour être tué. Et la Bible déclare que l'apôtre Pierre était gardé dans une prison, dans la prison de la prison de la prison de la prison. Donc, à quatre gardes escouades qui le bloquaient. L'apôtre Pierre était couché là, à même le sol, avec les chaînes sur lui. Il ne pouvait absolument rien. Donc, même s'il essayait de réfléchir comment va venir la délivrance, il ne pouvait pas être délivré. Donc, nous voyons les deux sœurs qui sont en noir, sont en train de descendre les sous-sols. Vous les voyez vous-même sur l'écran, non? Elles descendent les sous-sols. Je ne sais pas où elles vont. L'autre à Ottawa, l'autre à Saint-Marie. Ils descendent peut-être là. Madame Camille ne fait que descendre les sous-sols. Bon, et voilà la sœur aussi. Donc, vous voyez effectivement que l'apôtre Pierre était couché là-bas dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Là, si vous prenez la lecture, vous allez voir que là-bas, l'apôtre Pierre avait reçu le capitanat de la main du Seigneur Jésus-Christ, de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ, pour perdre les brebis et pour mis les brebis du Seigneur. Mais se trouvait l'apôtre Pierre en prison. Il ne pouvait absolument rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abandonné tout simplement. La Bible déclare que l'Église ne cessait d'adresser. Écoutez encore pour celle qui posait la question là. Où est la sœur Stéphanie? La sœur Stéphanie est où là? J'espère que nous entend. Alors, ici encore, dans ce livre de Matthieu, de Actes des Apôtres, chapitre 12, pour le cas de la délivrance de l'apôtre Pierre, nous voyons effectivement comment l'Église, la Bible déclare que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en sa faveur. Et on voit effectivement que quand quelqu'un dont est en prison, il a besoin d'une force extérieure pour l'extirper de là. Donc voilà la chose. Quand quelqu'un est en prison, si vous êtes captif, même si vous êtes conscient que vous avez l'esprit en vous, vous n'avez pas le pouvoir de chasser. Quand c'est en vous, l'aide doit venir de l'extérieur. Donc tout ce que vous pouvez faire, même si vous enfermez dans une maison, vous allez prier, jeûner, commander. Quand une force ne vient pas de l'extérieur pour l'extirper de là, gardez-vous à l'esprit que j'ai dit une force. Quand une force ne vient pas de l'extérieur pour l'extirper de là, vous allez parler, le paralyser, il va se fatiguer, il sera à l'intérieur là-bas parce qu'il faut que quelqu'un d'autre lui commande de sortir. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc, si vous faites cela, ce sera exactement comme quelqu'un qui est dans une prison. Il ferme les yeux comme les gens font là maintenant. Il dit, je refuse que c'est en prison. Je refuse que c'est en prison. Quand tu vas finir, tu es fatigué. Quand tu vas ouvrir les yeux, qu'est-ce que tu vas voir tout autour de toi? En prison, toujours. Tu vas voir que tu es en prison. Donc, tu vas seulement épuiser ta force étant en prison. Et c'est là où vous voyez effectivement que c'est une personne sombre au découragement parce qu'il voit effectivement qu'elle a la pression. Vous entendez, c'est une personne qui dit, j'entends les choses marcher dans mon corps. Quand il est pris, ça se calme. Ça ne doit pas se calmer, ça doit quitter. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Or, donc, il faut qu'une force à l'extérieur lui dise, je te commande de quitter. C'est déjà une question. Donc, comment ça doit se passer? C'est le Seigneur qui sait comment il doit se passer. Si tu sais que tu as besoin de la délivrance, soupire seulement auprès du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de la délivrance. Tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, s'il n'y a plus de questions, j'aimerais qu'on prenne le sujet de la Bible et on en partage ce soir. Si ça vous, chante, il est 2h38 minutes ici. Oui, ma soeur, Suzanne a une question. Une petite question. Une petite question. J'ai eu à écouter des enseignements dans lesquels on dit que si on utilise des habits usagés, que ce n'est pas bien. Donc, si on achète des habits usagés, ce n'est pas bien parce que ça porte loin de la personne qui l'utilisait. Yes, oh. Est-ce que c'est... Yes. Vous utilisez aussi les maisons usagées. Puisque dans une maison usagée, vous n'allez pas me dire quand vous allez refaire la peinture, ça va chasser le aura de quelqu'un, n'est-ce pas, ma soeur? Parce que si la peinture et la réflexion de la maison chasse le aura, alors le lavage aussi au pressing chasse aussi cela aussi. C'est pas vrai? Vous voyez qu'on a des problèmes sur cette terre. Il y a des gens qui utilisent les téléphones usagés, d'autres personnes utilisent, vous utilisez les cuillères, les marmites usagées. Et grave encore en Afrique, vous portez des choses qu'on a déjà utilisées là-bas et depuis le conteneur, le lit jusqu'au matelas et les draps vous amenez ici. Eh bien, on a des problèmes. Donc, oublions ça. D'autres questions? J'attends ma prière. Hé, hey, qui a dit qu'il va prier? Elle dit qu'elle attend la prière. Mais la parole, la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole guérit, n'est-ce pas? N'est-ce pas, là, c'est Monique? Oui. Ton petit nom d'enfance, je veux qu'on en parle. Le petit nom d'enfance. Mon petit nom? D'enfance. Oui. Alors, parle-moi de cela. Et comment c'est venu? C'est... Je prends ma défunte sœur aînée qui me l'avait donné. Mm-hmm. Et mais, on m'a toujours difficilement appelé par ça. C'est elle qui m'appelait généralement par mon petit nom. Mm-hmm. Oui. Tu ne vois pas que ça te pose problème, ce petit nom-là? Bon, la sœur Stéphanie continue à marcher. C'est parce qu'elle cherche dans la maison. Vous la voyez marcher partout, là, comme Magellan qui marche. Faire le tour du monde. Elle veut encore s'asseoir là-bas. Oui, la sœur Monique. Tu as dit que tu voulais la prier. On est en pleine prière là maintenant. Tu sais ça? Oui. Alors parle-nous. Donc ce petit nom se pose problème. Jean chapitre 4. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc à l'entrée de cet enseignement, j'étais en train de poser la question à la sœur Augustine. Sœur Augustine, tu te souviens la dernière fois quand nous parlions, je t'avais parlé d'une petite fille. Oui. Mm-hmm. Et je t'ai laissé à la réflexion. Continue dans Jean chapitre 4 là. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit glorifié. Alors, allons-y, vous êtes dans Jean chapitre 4. Oui. Vous voyez comment mon cœur fait là maintenant. La sœur, ça c'est la sœur Monique qui a attaqué ces choses-ci là, ce soir-ci. Là. La sœur, bon, la sœur Stéphanie, je vais causer avec ton mari. Bon, il s'est fait tard ici, il est presque 3h du matin ici. Et il doit travailler le grand matin avec ceux de la France. Donc, la sœur Stéphanie, il va vous causer. Je ne sais pas, quand il est midi ici ou bien 14h, heure du doigt là, quelle heure il est là-bas chez vous? Il faut que ça soit une heure favorable pour vous. Il est 6h ou 8h. 6h. Bon, dans ce cas, je vais déplacer à 18h le temps que vous soyez libre. Que vous soyez à la... Quoi? Donc, à 18h, là, ça va correspondre à midi chez vous, n'est-ce pas? Son micro est coupé. Ça correspond vers les 9h comme ça ou 10h. Hein? Ok. Donc, ça veut dire que... Ah, mais c'est vrai, midi. Qu'est-ce que tu dis? Midi. Donc, je ne sais pas quel est votre programme de midi, dimanche... À midi, ça sera bon, frère Junior. Ok, donc à midi, donc contactez-moi, on en parle, d'accord. À midi, de chez vous, d'accord. Oui. Il faut qu'on en parle. Voilà, c'est bon. Ah, c'est Monique, c'est Monique. Coupe maintenant ton micro, ma chère. Coupe maintenant ton micro, laisse-le manger. Alors, Jean, chapitre 4. La sœur Stéphanie, coupe ton micro. Coupe ton micro. Coupe ton micro, d'accord. Vas-y, Stéphanie, coupe ton micro. Canada dans la sainteté, bonjour. Encore. Au mieux, bonsoir chez vous. Dans Jean chapitre 4, nous allons prendre un sujet sur lequel nous allons travailler ce soir. Un seul verset nous intéressera là-bas certainement. Et c'est sur ce sujet qu'on doit parler. Dans ce Jean chapitre 4... Le Seigneur va marcher avec ses disciples, il va s'arrêter là-bas, vers la route là-bas, à côté du puits que Jacob avait creusé pour le peuple, et qui a servi de frontière entre les deux peuples désormais, et que tous les autres venaient y puiser de l'eau. Le Seigneur Jésus-Christ va s'asseoir à côté de ce puits-là, et en attendant cette autre prédestinée qui viendrait là-bas pour qu'il puisse l'attraper et l'envoyer dans le royaume. À l'issue de l'intercation avec les deux, on va laisser cette intercation, on va y revenir dans un autre enseignement. Les disciples étaient allés, déclarent que les disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. En rentrant, ils vont voir Jésus en train de causer avec cette femme-là. Ils seront étonnés de ce qu'il est en train de causer avec une femme. Tous les autres disciples étaient partis, ils étaient seuls à seuls avec cette femme-là. Le verset 31 dit que dans le verset 31, la Bible déclare que pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» parce qu'ils sont rentrés avec les vivres. Les disciples disaient donc, verset 32 dit « Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Vous savez, le langage du Seigneur Jésus, c'est ça m'étonne. Là, il y a une nourriture physique et c'est pour le but pour lequel ils sont allés en ville. Et ici, il vient dire, maître, mange. Il dit, il y a une autre nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Vous voyez, il parle de manger une nourriture. Alors que cette nourriture dont il parle n'a rien à voir avec la nourriture physique, ni encore moins de la façon de manger que nous avons ici. Parce que là, il voulait qu'il prenne avec sa main et mette dans sa bouche. Et le Seigneur Jésus-Christ dit... ici qu'il a un style de nourriture qu'il a à manger dont les disciples ne sont pas au courant. Puis les disciples se disaient les uns aux autres, mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Mais si quelqu'un lui avait apporté à manger, il regarde tout autour de lui, il ne voit pas de nourriture, mais il se pose la question, mais quelqu'un lui a-t-il apporté de nourriture? Pourtant, il n'y a pas de sac déposé à côté de lui, ni quoi que ce soit, ni une assiette déposée à côté de lui. La Sainte Karine, courage, d'accord? Maintenant, c'est le verset 34 qui nous intéresse, c'est cela que nous allons travailler ce soir. Donc, le verset 34 des 34. Verset 34 nous dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous avez ça, vous avez vu ça? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, dit le Seigneur Jésus. Chez la sœur Monique, les enfants réclament déjà la nourriture. Pendant qu'on en est de parler maintenant, donc elle ferait mieux de fermer son micro. Pourquoi on n'entend pas les cris de détresse de la nourriture maintenant, vous voyez, n'est-ce pas? Alors, ici, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, après avoir parlé de ses disciples, à ses disciples, qu'il y a un style de nourriture qu'il doit manger. Et vous voyez effectivement que cette nourriture-ci dont il en est de parler, c'est ce qu'on appelle en anglais harvest. To harvest for the kingdom purpose. Alors, ici, cette style de nourriture, ça veut dire quand Jésus est dans cette mission-ci à accomplir, même s'il a faim, même s'il est fatigué, cela va venir de façon secondaire. Il faut à tout prix qu'il accomplisse d'abord la volonté de celui qui l'a envoyé. Et donc, dans ce verset 34, il dit clairement, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La question maintenant, ce soir, faisons-nous la volonté de Dieu? Je ne sais pas si un patois canadien pour dire à la sœur Monique de fermer le micro parce que les enfants crient là-bas. Alors, ici, le Seigneur Jésus-Christ nous plante le décor par rapport à un sujet qu'on pourrait voir. On peut se poser la question, dans nos jours, dans notre travail quotidien, dans notre marche quotidienne, est-ce que nous accomplissons la volonté de Dieu? Sinon, comment la trouver? Ou mieux, connaissons-nous la volonté de Dieu pour nous? ou mieux encore, comment connaître la volonté de Dieu pour nous, ou mieux encore, comment connaître qu'on est dans la volonté de Dieu. Sur cela, ce sujet est tellement vaste que, au cas par cas dans notre vie, on a besoin de la volonté de Dieu. Regardez, la Bible est pleine et fourmille des passages pour dire que l'homme ne doit pas se fier à lui-même, encore moins à son compère, parce que le cœur de l'homme est méchant. Et Dieu dit, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Ça veut dire que nos pas que nous choisissons, nos décisions que nous faisons, devraient être sous l'égide du Saint-Esprit. La question c'est comment et dans quelles conditions savons-nous que le Saint-Esprit est en train de nous conduire? Déjà que si on n'entend pas sa voix de façon constante, comment savoir que le choix que je vais faire maintenant, la décision que je vais prendre maintenant, viennent de lui, sont sous l'impulsion. Or, si vous regardez très bien la Bible, parlant par exemple de prophétie, la Bible déclare que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Poussé par, et ces paroles poussées par le Saint-Esprit, est merveilleux lorsqu'on parvient à saisir le sens de ce groupe de mots. Si vous lisez Luc au chapitre 2, chapitre 1 particulièrement, la Bible déclare à la naissance du Seigneur Jésus-Christ se trouvait un homme appelé Siméon, à qui le Saint-Esprit avait fait la promesse qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. La Bible déclare qu'il vient au temple poussé par l'Esprit. Alors, quand vous regardez, vous méditez sur ces versets, vous dites, le poussé par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Saint-Esprit l'a poussé comme ça, poussé ce vieillard-là? Son décision, ses pensées, tout ce qu'il faisait était sous la conduite du Saint-Esprit. Au point où, quand il a quitté de sa maison, la décision de quitter la maison pour prendre une direction venait du Saint-Esprit, sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est vraiment dit que pour que je tende la main sur quelqu'un pour dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça doit être suggéré par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas suggéré par le Saint-Esprit, ce que ça ne fait, c'est la religion. Ça sera le bavardage. Si il dit, ah, ma soeur Monique, parle-moi de ta, vous appelez, de ton petit nom d'enfance. Ça pose problème, cette déclaration. Pas vrai? Normalement, ça devrait poser problème. Hein, Monique? Ton petit nom d'enfance, qu'est-ce que ceci a à voir avec le sujet de prière? Alors, ça pose problème. Ça doit être poussé par le Saint-Esprit. Donc, oui, la Bible déclare donc que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Mais l'homme petit comprend, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme petit comprend cela. Dans le livre du Proverbe, chapitre 3, vous lisez le verset 5 et en montant là-bas, il dit que ne t'appuie pas, recommande ton sort à l'Éternel, mais ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous voyez? Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Donc, sur ton intelligence, tu ne peux pas prendre appui. Que non, j'ai un doctorat en marketing. Tu parles. Joseph, lui, était agrégé en quoi, Romain? C'est quoi? Sans avoir fréquenté. La seule fréquentation qu'il avait, c'est l'esclavage. Ou mieux, il était agrégé. C'est à l'université. Quand il a fini l'esclavage, il allait s'agréger à quoi? En prison. Vous voyez là ce qu'il en est. Et quand il est sorti, en Égypte, il n'y avait personne qui pouvait résoudre le problème économique. Une simple équation économique pour pouvoir délivrer le peuple, le monde du péché, de la famine. Mais il suffisait seulement qu'il soit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Alors notre Seigneur Jésus-Christ dit ici dans Matthieu, dans ce livre de Jean chapitre 4, verset 34, il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté. Écoutez bien, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, plus son œuvre. Alors la question c'est, je ne sais pas, vous êtes dans les zones anglophones, dans la zone anglo, vous devez savoir de quoi il va parler. What is your goal? What are you there for? What purpose are you there for? What are you achieving? Are you achieving the will of God? Je crois qu'en disant en anglais, je me fais comprendre, je ne sais pas si en français il dit la même chose. Je veux dire, dans notre cœur, dans notre soif, dans notre marche, est-ce que nous avons à l'intérieur de nous cette ténacité qu'avait le Seigneur Jésus-Christ à vouloir accomplir la volonté de Dieu, même s'il faille que sa chair puisse mourir de faim, parce qu'ici se trouve la famine, ici se trouve la soif qu'il avait, parce qu'il demandait de l'eau, mais là, en toile de fond, se trouve l'attirance pour pouvoir attraper les gens pour le royaume, et c'est pour cela qu'il est venu. Il dit donc ici qu'il préfère laisser la nourriture, que les gens soient allés en ville, marchant dans un kilomètre pour aller acheter pour qu'ils puissent manger, pour faire la volonté du Père. Alors, jusqu'où pourrons-nous aller donc pour accomplir cette volonté? Oui, ma soeur Karine. Moi, la première question que je me pose quand j'écoute tes questionnements, c'est déjà, est-ce qu'on sait quelle est la volonté de Dieu pour nous? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire pour Dieu? Parce que le Seigneur Jésus savait exactement la raison pour laquelle il était sur la terre et quel était le but qu'il devait atteindre. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent, parce que sûrement on n'a pas cette cette étroitesse d'intimité avec le Seigneur, ça fait qu'on ne connaît même pas la raison pour laquelle Dieu nous a même prédestinés. C'est dans quel but? Si vous toutes, vous avez ce même questionnement-là, vous voyez, j'ai fait tout et tout pour laisser pour que ça sorte de vous. Si vous tous avez ce même questionnement-là de ne pas savoir ce à quoi vous avez été appelé à faire, levez tout simplement la main comme ça. Si vous saviez déjà, vous baissez la main, vous deux mains. Bon. Ah, tout le monde a le même problème. Mais c'est grave, hein. Ok, maintenant écoutez très attentivement. Écoutez-moi très attentivement. Aujourd'hui, si vous voyez les hommes, vous leur demandez quelle est la volonté de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que les gens, les serviteurs de Dieu poussent comme des champignons. On pense que servir Dieu revient tout simplement à prendre les... Oh, ma Bible est dans cette maison aussi. Bon, de toute façon. Que servir Dieu, c'est de prendre la Bible, commencer à marcher, prêcher ou bien faire des enseignements sur YouTube et poster. Ce sera facile comme ça. Pour le faire, il faut avoir été appelé à le faire. Si quelqu'un n'a pas été appelé à faire tout ce que tu dis, que ce soit bon. Enfin, si je suis ici en train de parler de la part du Seigneur, de la parole du Seigneur maintenant. Si je parle de la parole du Seigneur et je ne parle pas de sa part, tout ce que je fais là, c'est pour mon épouse là, mes enfants avec ses générations. Ça ne concerne pas le Seigneur, même si c'est bon. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut que je sache exactement que j'ai été appelé pour cette tâche-ci. Si ce n'est pas comme ça, tout ce que tu fais, c'est zéro. Maintenant, je vous pose la question à vous là maintenant, qui posez cette question de la volonté. Maintenant, est-ce que vous avez eu déjà dans votre pensée passée à cette questionnement? Eh bien, dans ce cas, si vous avez eu cette pensée dans votre passé, peut-être lointaine ou bien précédente, suis-je sur la terre pourquoi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Dans ce cas, où est-ce que vous en êtes arrivé avec cette réflexion? Vous avez pensé comme ça, probablement dit que Dieu va comprendre. S'il veut, il nous donne sa volonté. S'il ne veut pas, il ne donne pas moi, il passe ma route. Ce que vous avez dit? Non. Moi, ça fait partie de mes prières. Voilà. Donc, ça veut dire que malgré que ça soit dans tes pensées passées, tu n'as pas relâché, n'est-ce pas? Non. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut faire. La sœur Delaroche Limba, bonsoir et bienvenue. On reconnaît justement sa maternité directement là-bas avec des bruits. C'est pour ça qu'on peut signaler directement que c'est elle qui est là. Tu vois que j'ai fait le micro. Oui, tu as fermé ton micro, tu parles, on entend, c'est bien ça, ma soeur. Bienvenue, que Dieu te bénisse. Alors, je pose donc la question. Lorsqu'on a déjà cette pensée, qu'est-ce que je suis sur la terre? What am I here for? Pourquoi suis-je ici? On commence à se poser cette question-là. On doit arriver à une conclusion. Et si cette conclusion n'est pas encore arrivée là-bas, on ne doit pas relâcher. Parce qu'on a vu dans les questionnements précédents qu'on doit prier et ne point se relâcher. Très souvent, nous prions pour les relations, prions pour quelque chose, la maladie, problème de guérison, problème du travail. Et on observe le travail, on laisse. Mais on ne comprend pas que le plus important, c'est ça que je veux qu'on voit effectivement aujourd'hui, le plus important, c'est de détecter quelle est la volonté de Dieu pour nous. C'est ce que nous sommes censés faire. Je crois également sur Bambaïba, il y a un autre enseignement en deux parties. Connaître, je ne sais pas si quel est le titre, je ne sais pas si c'est le titre exact. Connaître la volonté de Dieu et y marcher. Quoique c'est quelque chose comme ça. Et y marcher. Donc il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. Donc voilà la chose la plus importante pour chaque être humain sur la terre, encore, pour ceux qui se professent être chrétiens. Maintenant, il y a des gens qui peuvent se détecter directement leur volonté de Dieu, la volonté de Dieu dans la Bible. D'autres personnes qui, en lisant un passage de Bible, le Saint-Esprit lui dit clairement que c'est voici le rôle que tu es censé faire. D'autres encore qui, n'ayant pas entendu la voix, doivent agir en unisson avec Dieu dans sa parole. Gardez bien ceci à l'esprit, c'est la troisième partie. Agir en unisson avec Dieu dans sa parole. Ça veut dire que, nonobstant du fait que certaines personnes, il y a des tâches spécifiques et particulières pour d'autres personnes par rapport aux appels spécifiques dans le corps. Il y a des tâches où, si vous agissez en unisson avec les Saintes Écritures, vous agissez dans la... De toute façon, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, il va vous y conduire comme ça. Sinon, où quelqu'un va prendre la Bible comme ça, va dire que Paul, apôtre de Jésus, il dit que donc, désormais, Dieu va dire que je m'appelle Paul. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes apôtre, vous levez comme ça pour être apôtre. On ne devient pas apôtre comme ça. Ah, je m'en vais prêcher la parole de Dieu. On ne devient pas prédicateur comme ça. Non, je connais maintenant les versets bibliques. Je connais les versets bibliques, tout. Je connais le mystère de la rédemption, les différentes dispensations. Tu connais cela, c'est bien pour ton âme. Si Dieu ne t'a pas appelé d'aller dispenser ça, tout ce que tu fais, c'est l'ocre de 1. Donc, vous voyez qu'on a des problèmes sur cette terre, n'est-ce pas? On a vraiment, vraiment des problèmes. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit ici que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La question, c'est nous alors, cherchons-nous à accomplir cette volonté? L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 9, lorsqu'il a été frappé par ce même Seigneur Jésus-Christ, il a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il lui a dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu me persécutes. Il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Et puis le Seigneur, il a dit, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Par cette parole, il demande la volonté de Dieu pour lui. Ok, maintenant, je t'ai persécuté. Je ne savais pas que c'était toi. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? À cet instant-là, le Seigneur lui a dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Et depuis qu'on lui a dit ce qu'il doit faire, sa vie est orientée dans cette direction. Avez-vous remarqué cela? Que veux-tu que je fasse? Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez? Et cette même personne-là, j'arrive là, ma soeur Karine, cette même personne qui demande la volonté de Dieu va plus tard rappeler à d'autres personnes la volonté de Dieu pour eux. Il va dire à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous voyez cela? Accomplis bien ton ministère. Il va dire à Achippe que prends garde du ministère que tu as reçu du Seigneur. Vous voyez? Il peut maintenant orienter des gens. La soeur Karine, je t'écoute. Des questions? Je voulais dire, je sais déjà ce que tu vas me répondre, mais je vais quand même poser ma question. Pourquoi est-ce que c'était comme si... Ton micro a bougé, là, on n'entend plus. Là, ton micro bouge, je ne sais pas si vous l'entendez. Est-ce que c'est... Tu m'entends? C'est bon. Ok. Est-ce que c'est parce que Paul avait déjà cette... Je veux dire, parce que je sais que tu as me dit que c'est Dieu, il répond quand il veut. Il fait sa volonté. Il peut répondre du tic au tac, il peut répondre dans 10 ans, dans 100 ans, c'est Dieu. C'est souvent, c'est comme ça que tu réponds souvent. Mais j'ose quand même te poser la question. Bon, on va aller à l'origine. À quelle année l'apôtre, le prophète Abraham avait-il été appelé au ministère? L'année il avait quel âge? À quel âge? Très vieux, je pense. Ça, c'est clair que peut-être c'est 80. Ça, c'est clair. Ça, c'est très vieux, vraiment. Vraiment très vieux. Ça, 80? La sœur répond à la question, mais elle pose la question encore. Non, mais je ne suis pas sûr. Bon, quand on n'est pas sûr, on dit aux environs de, tu vois un peu? Aux environs de. Donc, si vous lisez le livre de Genèse au chapitre 12, vous allez remarquer que Abraham n'a pas été appelé à son jeune âge. Vous avez remarqué cela, n'est-ce pas? Le père de la foi. Et c'est uniquement lorsque Dieu lui a adressé la parole, quitte la maison de ton père et va dans un lieu où je vais te montrer. Donc, ça veut dire qu'avant cela, il vivait comme tout le monde. N'est-ce pas? Mais quand la parole de Dieu lui a été adressée, ça a changé le cours de sa vie et l'orientation maintenant de ses pensées. Maintenant, il ne vivait que pour cette voix. Il ne faisait que ce que cette voix-là dit, marchant seulement comme cette voix-là dit. Ça, c'est pourquoi le cas d'Abraham. Si on prend le cas de façon répétitive, Isaac, Jacob, on voit la même chose. Regardons, observons le petit Jacob, enfin Joseph. Vous voyez comment, à quel moment Dieu a commencé à lui parler? Par l'orientation de ce songe, Dieu canalisait son éclairage et sa volonté. Aux environs de 16 ans, il commence à recevoir des songes depuis l'enfance. Vous remarquez, n'est-ce pas? Si on fait un pas loin devant avant de revenir quelque part vers le milieu, regardez le jeune Samuel que sa maman a supplié jusqu'à ce qu'il a donné. À quel âge? Aux environs de 3 ans, il est là comme ça, il entend la parole du Seigneur. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, comme tu dis, que je veux dire que c'est selon la volonté de Dieu, il ne peut pas faire autrement parce que c'est ce que la parole présente. Si la parole présente que c'est selon la volonté de Dieu et la paix de chacun, on ne peut pas faire autrement que de dire la même chose. Parce qu'à l'heure, on voit effectivement Abraham, 75 ans, on voit son fils maintenant à l'âge de 40 ans, lorsqu'il va vouloir se marier, vous voyez comment Dieu commence à manifester l'œuvre de l'enlèvement au travers de sa propre vie. Maintenant, regardez le cas de Moïse. Moïse a eu des visions en Égypte. Il est allé dans le désert. Il a pris 40 ans encore, duré 40 ans pour que la parole de l'Éternel lui vienne, afin qu'il entre dans son ministère. Donc Dieu l'a appelé proprement dit dans le ministère à l'âge de 80 ans. N'est-ce pas mes chers? On a des problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils feront faire dans ces conditions en constatant non ces choses? Qu'est-ce qu'ils feront faire? Ce n'est pas attribuer les ministères aux jeunes sœurs. Oh, la sœur de la Ronde a une belle voix, elle chante des cantiques. Ma sœur, Dieu t'a appelé comme dans le ministère des chants. On commence à créer des problèmes aux gens maintenant avec le Saint-Esprit. Ma sœur, tu as des visions? Tu es la prophétesse Karine. C'est pas comme ça se passe. Ma sœur, la madame Camille, vas-y. So, Dis-lui alors aussi que son micro n'est pas bon. Oui, je disais que quand je t'entends, la chose qui me vient un peu à l'esprit, c'est un peu Joseph. Oui. Joseph, le fiancé de Marie. Oui. C'est quand parce que Marie était enceinte, elle avait reçu l'onction. Oui. Et Joseph était déjà, il avait déjà un cœur qui était disposé, parce que la parole de Dieu dit que c'était quelqu'un qui était droit, qui était juste. Oui. Et il a commencé à recevoir aussi les visions. Mm. Le Seigneur lui parlait par des songes. Il y a un ange qui allait lui dire. Et puis, quand je t'écoutais, je voyais juste, c'est la disposition de notre cœur. Oui. C'est comment est-ce qu'on est avec le Seigneur? Est-ce qu'on est disposé? Parce que parfois le Seigneur va nous parler, mais on n'est même pas disposé à entendre. C'est quand peut-être la chose va arriver, on va se dire, ah, et pourtant le Seigneur, parce que la dernière fois Camille a eu un accident, avant d'avoir l'accident, moi j'avais fait un rêve où j'avais eu un accident. Bon, pas que il y avait comme un choc. Et puis je me suis dit que c'était moi. Je n'ai pas parlé à Camille, je n'ai même pas prié. Donc, le Seigneur nous parle, mais on n'est pas disposé même à entendre. Donc, oh, je t'entends un peu, je vois un peu l'exemple avec Joseph, le fiancé de Marie. C'était quelqu'un de juste, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui cherchait le Seigneur et qui était même disposé. Exact. Que Dieu te bénisse. Que dit de la femme de Pilate maintenant qui est? Le Seigneur venait dans le songe pour lui parler la nuit en disant que ton mari va prendre une mauvaise décision demain. Elle s'est levée comme ça, troublée dans le songe. Elle s'est levée le matin et dit, ah, ne fais rien contre ce juste parce que j'ai souffert en songe de lui ce soir. Il a rêvé comme ça que les femmes dérangent. Et il allait en journée, donc faire ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous touchons la volonté de Dieu parce que ce cas particulièrement, c'est le cas des gens par rapport aux choses qui doivent arriver dans nos vies. Les cas que nous venons de mentionner. Mais nous touchons la volonté profonde de Dieu ici. C'est-à-dire ce à quoi on a été appelé à faire. Si c'est à quoi vous avez été appelé à faire, c'est quelque chose qui est écrit dans votre livre et ce que vous devez accomplir devant le Seigneur. Il faut que chaque chrétien tâche donc de trouver cette chose-là. Et voici donc l'une des façons dont... la sœur Suzanne, tu voulais parler? Oui, j'ai aussi une question par rapport à la volonté du Seigneur. Est-ce que dans la recherche de la volonté du Seigneur, le Seigneur peut vous passer par son serviteur pour exprimer sa volonté pour un de ses enfants? Il faut absolument recevoir le baptême de pour la volonté du Seigneur ou ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit pour la connaître. Donne-moi une seconde, j'arrive. Une seconde, d'accord? Je viens, d'accord? Une seconde. Il est digne d'honneur notre roi, il rend toutes choses possibles. Dieu merveilleux. Qui se sert de nos insuffisances et nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir en sa gloire et en sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis et donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs et tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est bâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Voilà, merci pour cette patience. Nous étions avec la sœur Suzanne qui posait la question avant qu'elle ne sorte. Je vous donne le secret. Je suis sorti de vous pour aller vérifier parce que j'ai entendu des gens toucher le portail. Il fallait qu'ils pas vérifier. Si ce n'est pas les visiteurs, encore les bandits qui viennent cette fois-ci. Alors maintenant, la sœur Suzanne, Oui, la question. Je disais que... Il y a un retour, hein. Ah ouais, ça va arrêter le temps. Ok. Donc, la volonté du Seigneur pour nous, est-ce qu'on peut la recevoir par le biais d'un serviteur du Seigneur, ou bien il faut être baptisé du Saint-Esprit pour la connaître, ou encore il n'y a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur peut nous la révéler comme il veut, quand il veut. En réalité, toutes les possibilités que tu as données là sont se retrouvent dans les Écritures. C'est-à-dire, Dieu peut le dire, peut donner la volonté directement. Il peut le donner au travers de baptême, après le baptême du Saint-Esprit. Il peut le donner avant le baptême du Saint-Esprit. Il peut le donner au travers de son serviteur. Ou il peut le donner au travers de la Bible. Ainsi de suite. Donc, tous ces cas dont tu as dit, ça se trouve dans la Bible. Ce sont les cas qui se trouvent dans la Bible. D'accord, ma chère sœur? Si vous lisez le cas de Naaman, le Syrien, vous voyez effectivement comment Dieu va lui donner exactement quelle est sa volonté pour lui, malgré qu'il est. Madame Camille, ferme ton micro parce que quand tu bouges, ça dérange là. Donc, on a tous ces cas-là dans la Bible. Vous allez voir effectivement que dans l'Ancien Testament, les gens qui connaissaient la volonté de Dieu et ainsi de suite par rapport à leur vie où les choses leur étaient dites n'étaient pas forcément des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit. D'autres, justement, dans cet Ancien Testament, vous allez voir effectivement comment le prophète va venir par exemple à la tsunamite. Vous voyez comment le prophète vient, il lui dit maintenant quitte ici. Va-t'en dans éloigne-toi de ce pays-ci parce que Dieu appelle la famille sur cette terre-ci, dans ce lieu-ci maintenant. Quand elle quitte dans ce lieu, elle marche dans la volonté de Dieu parce qu'elle a une orientation à cause d'un homme de Dieu. Vous voyez, frère? Parce que elle n'est pas la seule habitante de ce coin-là. Pourquoi Dieu vient s'adresser à elle particulièrement, qu'elle quitte cette lieu-ci parce que Dieu appelle la famille ici? Vous voyez, parce qu'elle doit marcher dans la volonté du Seigneur. D'accord, ma chère? D'accord. On pouvait en prendre comme ça le cas de Ruth que la sœur citait c'est en premier lieu. Le cas de Marie, regarde le cas de Joseph, comment Dieu l'oriente dans sa volonté. Donc tout ce qu'il avait à faire, c'est de marcher dans cette volonté-là, descendre en Égypte. C'est-à-dire que même si Joseph avait ses capitaux en Nazareth, il construisait les maisons, il avait commencé à construire les maisons de quelqu'un, n'a pas achevé. Il avait les planches qu'il avait achetées pour faire l'armoire pour la sœur Stéphanie, ça ne changeait rien. Quand l'ange lui a dit descends en Égypte et demain jusqu'à ce qu'il te fasse remonter, il doit marcher dans cette volonté. Vous voyez comment c'est dangereux de ne pas connaître la volonté de Dieu, mes sœurs. Dangereux. Parce que imaginez un peu un instant que dans le songe ne vient pas à Joseph pour lui montrer effectivement que quitte, lève-toi, va en Égypte. Ça veut dire que donc, l'enfant va périr avec les autres, pas vrai? Mais quand la volonté de Dieu est donnée, la volonté de Dieu donne l'orientation, la direction et la destinée. Et par conséquent, à cet instant-là, la personne qui reçoit la volonté de Dieu marche dans cette volonté-là. Mais très souvent aussi, où nous avons le caractère de révélation de Dieu dans cette direction-là, mais les gens, on ne prend pas garde. Parce qu'on a déjà des choses vraiment conçues. Il faut d'abord qu'on s'en débarrasse. Il faut qu'on s'en débarrasse de nos méthodologies de détection des volontés de Dieu et laisser le Saint-Esprit faire au travers de sa parole, en veillant dans sa parole. Sinon, comment on pouvait savoir effectivement? Ou mieux, une fille, une jeune femme qui quitte, elle part dans un lieu de délivrance, on la délivre, on dit « Ah, mon nature est prophétesse, elle est prophétesse. » Et un être esprit en train de prophétiser au travers d'elle. Ouais, on a des problèmes. On a des problèmes en milieu chrétien. Des problèmes. Il faut que chacun d'entre soit enraciné dans la parole. Il faut que chacun soit enraciné dans la parole. Donc je recommande donc ceci, que chaque personne prenne l'engagement aujourd'hui, en écrivant dans son cahier, que Seigneur, en écoutant cette voix qui parle là aujourd'hui, je m'en résous à chercher ta volonté pour ne pas te manquer. C'est vraiment dit en clair, en quelques mots, je suis déterminé à chercher la volonté de Dieu pour ma propre vie. Donc, souvenez-vous donc qu'il y a donc la volonté première de Dieu, puis il y a la volonté seconde, c'est-à-dire passive, celle que vous vivez partiellement. Remarquez effectivement sur les gens, les grands acteurs de la Bible et regardez les fonctions qu'ils occupaient ou bien les tâches qu'ils occupaient dans la nature, dans la vie quotidienne. Et voyons l'implication de ces tâches-là et de ces rôles-là lorsqu'ils sont en contact avec le Seigneur. Quelle est l'implication par rapport à ce travail? Vous allez voir dans les différents cas. Oh mon Dieu! Et lorsqu'on a toutes ces choses-là présentées, le tableau peint est présenté aussi. Le Seigneur nous montre donc un modèle exemplaire pour toutes ces personnes-là qui chercheront sa volonté. Par conséquent, il va falloir qu'on fasse attention maintenant. Si vous êtes dans un foyer, par exemple, si vous posez la question. Avez-vous cherché la volonté de Dieu pour être dans ce foyer? D'autres vont dire, ah, il n'était pas encore chrétien. Si vous dites hors d'un foyer, je vous pose la question. Est-ce la volonté de Dieu que vous avez quitté cet homme ou bien que cet homme vous a quitté? Vous allez dire, ah, je n'étais pas encore chrétien. Vous allez voir des problèmes. On a des problèmes. Je vous le dis, on a des problèmes. Et vous voyez effectivement que de façon parfaite, et sans qu'on ait eu à avoir encore d'ambiguïté, il faut qu'on recherche la voie du Saint-Esprit, la connexion avec le Saint-Esprit, pour qu'il nous conduise dans nos voies sans ces différentes ambiguïtés. Maintenant, il faut que nos cœurs soient, our heart has to be sharpened, nos cœurs soient nettoyés, au point aussi, parle à nos cœurs, nous puissions discerner qu'il s'agit de lui ici parlant en moi, donnant des révélations, parce que s'il donne les songes aujourd'hui, on a des problèmes d'interprétation des songes. Si l'ennemi donne les songes, on dit, ça peut être du diable. Si lui donne, on dit que ça peut être du diable. Si on parle au travers de quelqu'un, vous allez encore lui dire que Seigneur, si c'est vraiment toi qui as parlé au travers de lui, dis ça à une autre personne. Il dit encore, dit que ça peut être le pire, même Dieu peut te parler deux fois. Un jour encore, il vient encore dans le son. Il y a des gens qui ont eu 14 songes pour le même sujet. Dieu monte et dit non. 14 fois. Il monte une 15e fois. On a toujours des problèmes. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il faut que notre cœur soit arrangé pour savoir, pour qu'on puisse avoir la voix du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est-à-dire, quelle est cette voix-là? Je suis en train de vous parler de la parole de Dieu maintenant. Je n'ai pas ouvert la Bible là depuis. Et là, vous voyez effectivement que dans votre cœur se trouve un foyer de tension qui absorbe cette parole-là en croyant, en disant que ici, ce qu'il dit est vrai. Mais dans ce cas, si sa voix à lui parle directement, pas des songes, pas des différentes manières de vous parler, comment vous ne pouvez pas savoir que c'est lui? Alors, si vous entendez cette voix, ou bien peut-être vous confiez à la personne de Frère Junior, je n'ai rien à voir là-dedans. Rien à voir là-dedans. Vous devez discerner sa voix au travers là-dedans. Donc, en réalité, pour chercher cette volonté-là, on doit être tenace, persévérant, déterminé. Vous me suivez, ma soeur? Votre volonté première, donc, quand vous êtes dans un foyer, ça veut dire que, malgré que vous soyez dans le foyer, vous savez que dans la volonté parfaite de Dieu pour les femmes, c'est qu'elles s'occupent du foyer. Ça, c'est la volonté première. Donc, si vous ratez les autres volontés, l'autre là, au moins, ne ratez pas. Là, au moins, vous savez que vous en avez fait. Quand vous êtes dans le foyer, vous savez effectivement que vous n'avez pas grand problème lorsque vous allez faire votre foyer. Vérifiez seulement que vous en avez fait votre foyer. Si vous faites votre foyer comme à la manière de Dieu, Seigneur, donne-moi d'être cette femme-là, cette femme sage qui bâtit sa maison. On a dit la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Ça veut dire, Seigneur, je vais être une femme digne de ce nom-là pour mon mari. Donne-moi d'être une femme sage, que ces bâtiments soient bâtis. Vous commencez à regarder l'orientation maintenant. Si votre mari est en bonne forme, si vous lui rendez exactement comme Dieu dit, vous regardez comment, si vous veillez sur l'éducation des enfants, vérifiez que l'ennemi n'entre pas dans votre maison au travers de vous. Si vous le faites, vous êtes dans la volonté première de Dieu pour votre foyer. Maintenant, dans cette volonté première, donc là, maintenant, ça c'est pour les foyers. Vous dites, non, Seigneur, je suis dans le corps de Christ. Quel est le rôle que je dois accomplir? Est-ce que je dois rester en brèche pour quelqu'un ou bien je dois faire telle chose? Restez jusqu'à ce que Dieu vous révèle cela. D'accord? Si quelqu'un est... vous entendez des gens aujourd'hui, vous entendez quelqu'un dire qu'il est pasteur. Ah, il est passé à pasteur supérieur, il est passé à superintendant, il est passé à... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui arrive avec nous aujourd'hui et la parole du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez ces problèmes, mais si vous ne connaissez pas qu'il y a ces problèmes, si en milieu chrétien, on a des problèmes. La Bible déclare, Timothée, recevant l'instruction de l'apôtre Paul, il dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste. Accomplis bien ton ministère. » Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit que ne regarde pas ta jeunesse, qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Malgré qu'il était jeune, il avait été appelé à cette tâche-là. Donc, vous voyez effectivement que l'apôtre Paul lui rappelle aujourd'hui la volonté de Dieu pour lui. Il lui rappelle ce qu'il est censé faire. Il y a des gens qui sont tellement... Si Dieu donne la grâce, on va faire de ces choses. Attends, Canada, on arrive. Ne vous inquiétez pas seulement. Canada, on arrive. Mais donc, l'une des choses les plus graves, ce sera de déterminer la volonté, quelle est la volonté de Dieu, et de ne pas y marcher. C'est la chose la plus dangereuse qu'un être humain puisse avoir sur la terre. Vous vous souvenez de ce jeune riche-là, n'est-ce pas? Cet homme riche qui était venu vous dire, Maître, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour avoir la... Vous-même écoutez exactement déjà la question que tout le monde entier doit se poser. Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus le regarde comme ça. Mais tu connais la loi, non? Accomplis la loi. Ah, parce qu'il savait qu'il pouvait se boast. Il pouvait se targuer avec cette loi-là. Ah oui, je les ai accomplis depuis. Et que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? C'est-à-dire que me manque-t-il... Ok, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Distribue-le en monument aux pauvres. Puis viens et suis-moi, tu auras un trésor. Il a dit, ok, ah bon, hein? C'est ta part d'évangile que tu es prêché, venir sur la terre pour prêcher. Il va aller vendre bien. Et il est parti. Et là, le prophétie est sorti pour les hommes riches désormais. Il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu quand une aiguille, un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Maintenant, nous voyons donc présenter devant nous la volonté de Dieu pour les hommes. La volonté de Dieu pour les hommes, c'est que, 1. La Bible déclare que la volonté du Père, c'est que quiconque voit celui qui l'a envoyé, qui croit en lui, ait la vie éternelle. à nous comprendre cela. Ah, le micro de notre soeur, elle est tellement en joie qu'elle n'a pas fermé son micro, elle n'a pas ouvert son micro. Donc, comment tu as su qu'il était là? Il vient, il se cache, non. Bonsoir, mon frère, et bienvenue. Bon, il n'entend pas. Donc, mets-lui le casque, comme ça, il un peu. Oui. Bon, bonsoir, mes frères, bienvenue. Bienvenue. Shalom, frère. Shalom, mes soeurs. Shalom, frère Camille. Shalom, frère. Il y a la soeur Monique, là, en plein milieu. La soeur Monique, tu vois cet homme-ci qui est en rire, là, non? En habit rire. Parce que tout à l'heure, là, tu as dit que la, les dames, là, tu as vu cet homme-là aussi, non? Bon, ils sont en train de chercher maintenant comment faire pour que ça apparaisse. Et entre-temps, la soeur Monique est en train de chercher le sigle du micro sur son téléphone pour pouvoir appuyer afin que d'ouvrir le micro. Alors, la soeur Monique, on est patient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, les écrans tactiles, c'est pas évident. Ça disparaît et ça réapparaît. Donc, touche juste ton écran, ça va apparaître et puis tu vas appuyer sur le micro. Le frère Camille est venu maintenant, le micro ne passe plus. C'est moi qui a levé le micro. Donc, mon frère, bienvenue. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va par la grâce de Dieu. Beaucoup de courage, d'accord? Le jeu n'était pas facile. Bon, nous ne continuons pas ici. Donc, oui, ah bon? La soeur. Non, mais ça, c'est privé de ça. La soeur Monique, elle a dû couper plutôt son micro. La soeur de la Roche. Va, le frère Camille qui est venu donc. Comme tu t'es posé la question que comment toute la soirée, c'est seulement les femmes qui sont là-bas. Voilà le frère Camille alors. Voilà. On patiente afin que la soeur Monique puisse se reconnecter encore de nouveau. Je crois qu'elle est en train de nous entendre, mais sa vidéo est là. Donc j'étais en train de dire, selon ce qu'on a lu dans celui des Jean au chapitre 4, verset 34. Le Seigneur Jésus-Christ répond à ses disciples, disant, puisque les disciples ont venu lui demander de mettre mange, il est temps de manger. Jésus leur a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est par cette parole, le Seigneur élève le will, la volonté de Dieu au-dessus de nos désirs et de nos vies. Par cette parole, notre Seigneur Jésus-Christ élève la volonté de Dieu dans nos vies au-dessus de nos plaisirs et de notre chair. Tout ce que nous pouvons faire, parce que là se trouve en toile de fond, la nourriture qu'il doit manger, la nourriture pour satisfaire son âme par rapport à. Et là, il est fatigué. Et Dieu dit, le Seigneur dit ici qu'il y a une autre nourriture qu'il doit manger que les disciples ne peuvent pas comprendre. Il dit cette nourriture-là, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, si on sait qu'on a été envoyé pour une chose, tout ce qu'on doit faire doit concourir pour cela. C'est donc pour cela que si vous comprenez bien cette genre de phrase, vous allez comprendre le pourquoi. Le chrétien doit veiller à sa fréquentation, veiller aux gens avec qui il mange. Vous devez vous poser la question chaque fois. Cette personne, ce qui entre dans ma vie, est-ce que cette personne se vient pour m'aider ou bien pour. Est-ce que cette personne va être un frein pour l'accomplissement de mon aller avec le Seigneur ou bien sera un frein dans l'avancement des choses de Dieu? Regardez la connotation que le Saint-Esprit utilise ici. J'arrive là, ma soeur. Quand ton mari est venu maintenant, l'inspiration est venue encore grave. Dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, le verset 22, la Bible déclare, parlant aux jeunes, de fuir. Quoi, les passions de la jeunesse et de rechercher la justice, l'amour, la joie, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire que la volonté du Seigneur, comme il a dit que le royaume des cieux ne consiste pas à quoi, au manger, à boire, mais la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que les gens vivent le contentement avec le Saint-Esprit au point où même s'il y a les troubles tout autour de nous, que cette joie-là ne soit pas touchée. Et ici, il dit que les jeunes fuient les passions de la jeunesse. Ça suppose que quand un jeune écoute ceci, il n'a pas besoin de commencer à dire « Mon ami qui est mondain l'avait m'attiré que je parte en boîte de nuit. Mon ami, s'il marche avec la personne, parce que la Bible déclare que si tu marches avec le sage, tu deviendras encore davantage sage. » Vous voyez? Alors, c'est vrai, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13, il dit là-bas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 33, et ici dans ces 2 Timothée 2, 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Donc l'ordre est donné de fuir. Donc la volonté de Dieu pour tout jeune, que tu sois chrétien, la volonté de Dieu, c'est que tu t'éloignes de tout ami qui vont t'amener dans les passions de la jeunesse. Là, c'est explicite. Il n'y a pas besoin de faire que, Seigneur, est-ce que j'ai pris, est-ce que c'est ta volonté qu'il parte en boîte de nuit? Même si tu sors n'importe quel raisonnement théologique, non, on peut aller en boîte de nuit et sauver les élus qui sont là-bas. Laisse les élus aller danser le Makossa là-bas. Quand ils vont finir de danser, quand ils vont sortir, le Saint-Esprit va aller parler. Ce n'est pas à toi d'aller en boîte de nuit pour aller les chercher. À moins que tu reçois l'ordre direct d'entrer là-bas. Parce que l'ordre général, c'est fuir les passions de la jeunesse et le chef de la justice, la paix, l'amour et la joie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. D'un côté, la volonté de Dieu est exprimée pour s'éloigner de ces styles de vie. De l'autre côté, on donne l'orientation dans sa volonté, comment se réunir pour pouvoir rechercher et retrouver cela. Ça, c'est la volonté générale. Quand la Bible déclare, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, si vous prenez jusqu'au verset 20, les versets 19 et 20 disent particulièrement que glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc on fait exactement, en joignant à ces passages-là, en joignant à 1 Corinthiens, voilà. La sœur Monique, bienvenue encore. Il y a quelqu'un qui a dit d'ouvrir ton amour là-bas et ça crée des problèmes ici en assemblée. Je ne sais pas ce qui se passe à ton téléphone, franchement. Courage, d'accord. Non, ne tape pas doucement. Parce que tu tapes là, même les coups de fil, tu n'as plus recevoir, d'accord. Allons-y doucement. Quand ça fait comme ça, tu redémarres tout simplement. Tu es patient, soyez patient. Toutes ces choses-là, écoutez très attentivement. Vous allez rentrer du travail un jour, vous savez les femmes, comment les urines vous attrapent souvent. Vous avez le trousseau de clés. Pour que vous cherchiez le trousseau de clés qui va ouvrir votre porte, vous allez voir de quoi il est question. Il faut être patient. Si vous êtes pressé là-bas, vous êtes énervé, vous avez deux choses l'une. Soit vous pissez là-bas, ou vous patientez, vous ouvrez la porte. Donc, toutes ces choses-là autour de nous nous apprennent tout simplement la patience. Vous voyez comment quand tu as été patient, ça s'est amélioré, n'est-ce pas, ma soeur? Prenez tous les obstacles que nous présentent comme un moyen pour pouvoir apprendre la patience. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un va vous appeler un de ces jours, vous voulez décrocher, ça ne décroche pas avec cette chose tactile. Vous énervez, vous tapez le téléphone. Le téléphone n'a pas de vie. Si tu casses, c'est toi qui vas encore acheter. Pas vrai, ma soeur? Et ça ne résout pas le problème si tu casses. Donc, c'est la patience. C'est la patience. De temps de dire donc que dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, dans ce verset 19 et 20, la Bible déclare qu'on offre nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce que nous allons par notre culte raisonnable au chapitre 12 des Romains. Et ici, on dit qu'on glorifie Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartient à Dieu. Quand on joue à ces passages-là, 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il dit c'est que Dieu veut. Vous voyez, ça exprime la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça se pose que Dieu a déjà dit dans la parole, ici il n'a pas besoin de prière, que si je vis dans le péché et que mon corps est souillé, ce n'est pas de sa volonté. Donc il y a des volontés qui sont claires, clairement explicitées dans la parole. Mais il y a des volontés, par exemple, chaque personne a un rôle à jouer. C'est la volonté concernant le rôle à faire sur la terre avant de quitter la terre dont nous sommes en train de parler ce soir. Il y a la volonté générale. Il n'y a pas un chrétien qui va vivre dans le péché en disant que non, Dieu me condamne, moi, Dieu ne me condamne pas. Parce qu'il a dit que je suis saint, vous serez saint. Ça, c'est pour tout le monde. Mais de façon spécifique, tout le monde n'est pas appelé à apôtre, tout le monde n'est pas appelé à prédication. Donc, chacun a un rôle. Prenons le livre de 1 Pierre, chapitre 4, voir, regardons le verset 10, ce que ça dit. 1 Pierre, au chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre, dit le Seigneur. 1 Pierre, chapitre 4. Vous y êtes? Bon, je ne sais pas quelle version le soir Camille va nous sortir, mais peut-être c'est Martin 1844. Mais c'est... Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Puis, continue au verset 11, dit que si quelqu'un parle... Si quelqu'un parle, que ce soit... comme annonça les oracles des dieux, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique, enfin, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, dans ce livre de 1 Pierre chapitre 4, nous voyons effectivement comment il commence au verset 10. Il dit comme des bons dispensateurs. Vous avez vu cela? Des bons dispensateurs. Des, et c'est au pluriel maintenant, des diverses grâces. Vous voyez, lorsqu'on passe le temps à réciter que nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, vous voyez effectivement qu'il y a plusieurs styles de grâce. Donc, ça veut dire que ici, grâce veut représenter bonté. Grâce veut représenter vertu. Parce que la Bible déclare dans ce livre de Pierre, effectivement, que, afin que nous annoncions les vertus de notre Dieu. Maintenant, nous avons ici l'ordre qui est donné aux chrétiens, qu'ils sont d'abord les bons dispensateurs. Et s'ils ne dispensent pas n'importe quoi, ils dispensent les diverses grâces de Dieu. Donc, Dieu a diverses grâces. Vous voyez, diverses. La Bible déclare que les bontés du Seigneur ne s'épuisent point. N'est-ce pas? Elles se renouvellent chaque jour. Donc Dieu a plusieurs choses chez lui à faire partager. Et il dit que les chrétiens sont là pour partager ces choses-là. N'est-ce pas? Puis on donne maintenant l'intercation. Il dit que chacun de vous. Regardez bien. Est-ce qu'on a dit que chaque apôtre? Dans ce verset-là, il est question de chaque apôtre. Il ne dit pas que chaque. Il a dit que chacun de vous. Chacun de vous. Vous les chrétiens. Mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, si on est dans le corps, on a reçu quelque chose. Donc, quelqu'un a quelque chose à donner aux autres. Il n'y a personne qui est singleton. Parce que si tu reçois des actes de quelqu'un, forcément, tu as quelque chose aussi à donner. C'est parce que vous saisissez. Il n'y a personne qui est receveur universel seulement. Le problème, c'est parce qu'on n'est même pas déjà dans le corps. Donc, on ne connaît même pas le don. Si quelqu'un n'est pas dans le corps, il fait quoi dehors? On attend le Seigneur, il le met dans le corps. Et le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Le volet continue en disant, je veux que vous gardiez à l'esprit qu'il y a diverses grâces chez Dieu. Un. Deux, je veux que vous compreniez également que les dispensateurs doivent dispenser cette diverses grâces-là. De trois, la Bible déclare qu'on doit mettre cela au service des gens. Vous entendez chaque fois, il dit que le robinet ne boit pas l'eau. Le robinet distribue l'eau à ceux qui la donnent. Le robinet ne brûlera jamais d'eau. Les gens qui ont les dons, un don de quelqu'un qui a un don de guérison, ce n'est pas pour lui que ça a été donné. Cet don de guérison, c'est pour l'autre personne. C'est pour ça que vous allez voir ces personnes-là qui ont les personnes qui ont le don de guérison vont souffrir des maladies. Vous venez avec votre maladie qui est difficile. Il prie pour vous, ça marche pour lui, ça reste là comme ça. Parce qu'il a besoin des dons de quelqu'un. Vous voyez, nous avons besoin les uns les autres. Vous voyez, les médecins, quand c'est fort, celui-là ne peut pas voir son collègue, n'est-ce pas, mes frères? Alors, qu'est-ce que ça nous signifie? Ça veut dire que nous avons besoin les uns les autres. La Bible déclare au verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Puis il dit, si quelqu'un remplit ses messages, gardez bien l'esprit de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Donc, ça veut dire que de notre bouche doit sortir des chemins de bonté de Dieu au travers. Mais vous entendez, une soeur pas voir une autre soeur, dit, maman, c'était sur les A1 de Sylvie, tu ne dois même plus la saluer. Après, reste tranquille. À cet instant-là, un mauvais grain SDA se met dans votre tête. Vous voyez Sylvie comme ça là. Vous dites que Sylvie, si dont on a parlé là, c'est tenté de parler encore une chose, Sylvie peut me noyer. Et qu'est-ce que cette personne s'est fait? La personne s'y a semé le doute entre une relation. Or, la Bible déclare ici que si quelqu'un parle, qu'il parle comme déclarant les oracles de Dieu. On parle des dispensateurs là. Puis il dit maintenant, si quelqu'un remplit un ministère, donc si tu as reçu un ministère, tu dois le remplir selon la force que Dieu donne. C'est ce que la Bible déclare. Communique, n'est-ce pas? On dit afin qu'en toute chose, c'est-à-dire que ce soit en dispensant les différentes grâces, mettant au service les dons les uns les autres, en remplissant ton ministère, en parlant pour déclarer les oracles de Dieu, qu'en toute chose que Dieu soit glorifié. Amen. Alors souvenez-vous, si vous êtes chrétien, vous avez reçu le don. Si vous n'avez pas encore reçu le don, vous avez reçu quand même. Vous êtes là chrétien parce que vous vous appelez chrétien, donc vous avez reçu. Donc vous êtes obligé de mettre au service des uns les autres ce que vous avez reçu. Parce qu'on ne peut pas continuer à boire seulement le robinet, à boire seulement le robinet. Il faut l'entretien du robinet. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand le robinet commence à couler, vous voyez que vous venez rendre service au robinet. C'est quoi le frère Camille? C'est grave, hein? Qu'est-ce qui est grave, mon frère? Oui, mais tu es en train de parler comme ça, mais c'est là où d'ailleurs on se pose la question, mais quel don on a? C'est ça le problème. On parle des dons tous les jours. Mais on se dit, mais est-ce qu'on va se mettre en pas à genoux à prier le Seigneur pour que le Seigneur nous révèle nos dons, pour qu'on puisse savoir quelle est la place que nous sommes dans le corps? Parce que c'est ça le problème. Parce que sinon, on va continuer à marcher comme des enfants égarés. Bienvenue, mon frère. Bienvenue encore ce soir. C'est là, ouais, c'est là où... Comme s'il y a une technique, je sais que dans la parole, il n'y a pas de technique. C'est là où manifestement se trouve l'église. Donc, on est dans des problèmes. C'est ça. S'il n'y a, a pas une technique pour faire pour qu'on puisse savoir est-ce que la sœur Suzanne a le don de prophétie, est-ce qu'elle a le don de ceci, pourquoi au moins je reste à dire, c'est que moi je n'ai pas, j'attends que la sœur Suzanne ne parle, voir quelque chose, elle m'appelle pour dire. C'est 3h et 33 minutes. C'est que moi je suis en train de. 3h et 33 minutes à Douala, Cameroun. Même à Paris. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse Canada dans la sainteté. Que Dieu bénisse. Et les 3h et 33 minutes ici à Douala, Cameroun. Probablement 20h ou 21h et 33 minutes à Ottawa. Même chose à Mani. Canada dans la sainteté, bonne soirée. Moi, je vais avoir en offre 2 minutes, juste 2 minutes. Pareil, moi, en privé, 1 minute, si possible. Moi, j'avais la semaine, puisqu'aujourd'hui, on m'a la main donnée. On te l'a accordé déjà. Tu m'accuses maintenant. Tu m'accuses devant l'Assemblée maintenant, hors jugement. Donc, il n'y a plus de condamnation pour moi. Non, frère, je dis à mes frères. Tu as demandé avec insistant et aujourd'hui ça a été accordé alors que tu n'as même pas demandé le jour-ci. Moi je suis patient, j'attends le coup. Canada dans la sainteté, bonsoir, bonsoirée et que le Seigneur vous bénisse tout au long de cette semaine. Merci, amen.